Les Français ont bien vu que ce n'était pas sa première qualité, dit le favori à la primaire de la droite. Autre attaque en règle contre Nicolas Sarkozy, cette fois qu'il accusait hier, vous le disiez, de draguer les électeurs de gauche. Réponse de l'ancien Premier ministre. Quand on cherche à se faire élire par les voies du Front National, on risque de mener une politique inspirée des thèses du Front National. François Fillon aussi en prend pour son grade. Sa stratégie n'est pas couronnée de succès pour l'instant, ironise-t-il. Bref, celui souvent accusé d'être trop mou par ses rivaux a décidé de montrer ses muscles, de durcir le ton à 8 semaines pile de la primaire de la droite et du centre. Merci Anaïs. Premier tour de la départementale partielle à Orange aujourd'hui, compte tenu des résultats dans cette circonscription. Remportée la dernière fois par l'extrême droite, le PS a préféré cette fois ne présenter aucun candidat sous son étiquette afin de ne pas encore affaiblir la gauche. Condamnation par Bernard Cazeneuve hier des violences aux abords de la jungle de Calais. Bilan 6 blessés légers. Alors que s'est-il passé exactement? Les précisions de Vincent Berton, sous-préfet de Calais. 150 migrants et 150 activistes d'ultra-gauche qui ont donc ont commencé à jeter des pierres sur les forces de l'ordre, qui ont répliqué et qui ont donc fixé une position sur l'entrée du camp. Nous avons subi des agressions assez virulentes avec des grosses pierres. Référendum anti-migrants organisé aujourd'hui en Hongrie. 8 millions d'électeurs sont appelés à se prononcer sur l'accueil de 2000 réfugiés dans leur pays. Un scrutin organisé par le pouvoir à des fins de politique intérieure, comme l'explique Jacques Rupnik, spécialiste des pays de l'Est à Sciences Po Paris. C'est pour donner un blanc-seing au pouvoir en place, c'est-à-dire au gouvernement de Viktor Orban. Et aujourd'hui, il fait un référendum avec une question à peine biaisée. Êtes-vous d'accord avec l'imposition par l'Union européenne de migrants en Hongrie sans l'aval du Parlement hongrois? C'est une question de souveraineté qui est posée, et derrière la question de souveraineté, de soutien qu'il espère obtenir pour son pouvoir. Jacques Rupnik avec Mélanie Delaunay, RMC 8h05. Football, suite de la 8e journée de Ligue 1 ce soir avec le derby entre Lyon et Saint-Etienne. Et si l'on dit souvent qu'un derby ne se joue pas, qu'il se gagne, la maxime pourrait plus s'appliquer aux Lyonnais qu'aux Stéphanois, Edouard Jay. Oui, car Saint-Etienne s'avance avec une équipe décimée par les blessés face à des Lyonnais au médiocre temps de passage en Ligue 1. 3 défaites en 7 matchs et un revers cette semaine à Séville, de quoi fragiliser la confiance du groupe, d'où cette feuille de route claire et nette rivée au crampon des joueurs de Bruno Genesio, l'entraîneur lyonnais. Ce soir, le derby, cela ne se joue pas. Ça se gagne. Oui, mais de toute façon, je l'ai déjà dit, à Lyon, on n'a jamais le choix. Le résultat, on est à Lyon, donc il se doit d'être toujours positif. Mais c'est vrai, encore plus dans un derby, encore plus parce que c'est le premier derby au Parc OL, encore plus parce qu'on a besoin de points aussi. Des Lyonnais qui peuvent s'appuyer sur une série de baptêmes réussis au Parc OL, la première en janvier en Ligue 1, puis la première en Ligue des Champions en septembre, une série qu'ils veulent étirer sur le premier derby de l'histoire dans leur stade, flambant neuf. Les ultras de retour en tribune hier soir au Parc des Princes. Plus de chants, plus d'ambiance. Alors forcément, cela n'est pas sans déplaire aux joueurs comme Blaise Matuidi. C'est vraiment fantastique de jouer dans une ambiance comme ça. On sait qu'ils n'étaient pas tous là, donc ça promet pour l'avenir. Et j'espère que ça continuera ainsi, surtout sans violence et que ça soit à la fête pour tout le monde. On aime ça, jouer dans un stade comme ça, c'est magnifique. Et les Parisiens ont gagné hier face à Bordeaux 2-0. Monaco est allé donner une leçon à Metz, résultat 7-0 et une première place au classement pour les Monégasques. En rugby, Toulon affronte Montpellier au stade Vélodrome à Marseille. Le match est donc délocalisé dans la cité phocéenne, mais pour l'entraîneur toulonnais Diego Dominguez, cela ne change finalement pas grand-chose à la rencontre. Bon, c'est motivant de jouer contre Montpellier. C'est la principale motivation qu'on doit avoir. Après, quand je joue au Vélodrome, c'est bien. J'aurais préféré jouer à Mayol, mais il va y avoir du monde. Il va y avoir du monde, je pense. Et voilà. Et puis maintenant, direction la Malaisie, où l'on retrouve en direct Louis Amar pour le Grand Prix de F1. Lewis Hamilton partira en pole position, Louis. Oui, Claire, une pole position aux allures de renaissance pour le Britannique après 3 Grands Prix perdus au profit de son équipier et rival Nico Rosberg. Il y a 2 semaines à Singapour, Hamilton était apparu bougon, presque défait, mais depuis le début du week-end, les sensations sont revenues et le sourire avec. Hier, en qualification, il a signé un tour quasi parfait, près d'une demi-seconde plus rapide que Rosberg. Je me sens comme avant la pause estivale, dit-il, une pause depuis laquelle il n'a plus gagné une course. Alors, saura-t-il convertir sa pole en victoire? Réussira-t-il son départ, un de ses points faibles cette saison? C'est l'enjeu majeur de ce Grand Prix de Malaisie. Malaisie. À suivre également le comportement des Ferrari, à nouveau devancé hier par les Red Bull en qualif. Et puis Esteban Ocon, le jeune Français de 20 ans, parviendra-t-il à inscrire ses tout premiers points en Formule 1? Tout cela et bien plus encore, c'est désormais dans moins d'une heure sur RMC. Merci Louis, vous étiez en direct de Malaisie. RMC 8h08, spécial mondial de l'automobile avec vous, François Sorel. Et bien sûr, dans un instant avec Jean-Luc Moreau, mais auparavant, quand même, les pronostics de la Dream Team RMC pour le prix de l'Arc de Triomphe. Hein, cet après-midi, c'est la finale des Epic Series qui se tiendra à Chantilly. Sébastien Larras reste fidèle au 10 Found et au 2 Post Poned. Brahim Asloum aime beaucoup le 11 Arzand. Et Laurent Guédard, quant à lui, retient l'As New Bay, le 7 Silver Wave, le 10, le 2, le 11, l'As et le 7. Epic Series, la course qui ne s'arrête jamais. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RMC, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau. Il est 8h09, c'est RMC, c'est le week-end des experts et c'est l'automobile. Attention, un week-end des experts auto raccourci. Puisqu'à partir de 9h sur RMC, eh bien là, ce seront des automobiles un petit peu plus rapides, un petit peu plus bruyantes, puisque nous retrouverons le Grand Prix de Malaisie en direct, en intégralité. Ce Grand Prix, vu le décalage horaire, donc débutera aux alentours des 9h-10. Et on retrouvera toute la Dream Team à fin d'RMC. Jean-Luc Moreau est là malgré tout. Bonjour Monsieur Moreau. Bonjour Monsieur François et bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Jean-Luc, je vois que vous vous êtes mis sur votre 31, forcément, puisque là en ce moment, même toutes les voitures sont sur leur 31. C'est le mondial de l'auto. Ouais, je suis beau comme un camion pour mondial de l'auto. Voilà. Mais vous êtes maquillé comme un camion violet, mais comme à chaque fois d'ailleurs. Bon, évidemment le mondial de l'auto, vous avez parcouru les allées de ce salon, on va en parler. Alors, émission raccourcie, hein, bien sûr. Encore les pieds qui fument. Tout comme la semaine prochaine, on sera là la semaine prochaine, mais on aura aussi une heure qu'on dédiera au mondial de l'auto. Exactement. Avec les grosses tendances de ce mondial qu'on va découvrir ensemble. Oui, puis l'année prochaine. La semaine prochaine, on commencera à tirer un premier bilan. Mais aujourd'hui, vous savez que la semaine dernière, nous avons évoqué le mondial de l'auto avec le commissaire général et puis avec le directeur général de Peugeot. Peugeot qui est la marque qui présente d'ailleurs le plus de nouveautés cette année au mondial de l'auto. Mais une tendance qui est plutôt une tendance, je vais dire, triste. Non. Ce mondial de l'auto 2016. Mais parce que vous n'avez pas vu les hôtesses, c'est pour ça. Mais on les a vues. Elles étaient tristes aussi. Là, je mais pense parce que ça, quand elles vous voient, elles sont tristes. Ça doit être ça. Quand elles me voient partir, elles sont tristes. Bien sûr. Voilà. Ah oui, évidemment. Non, globalement. Une fréquentation en baisse par rapport, enfin je parle pour les journées professionnelles, d'accord, les journées presse jeudi et vendredi à partir de l'après-midi où il y avait les concessionnaires. Pourtant moi j'étais jeudi avec Zéronet TV puisqu'on a fait l'émission, il y avait du monde quand même. Ouais, il y avait du monde mais moins que d'habitude. D'accord. Les principales nouveautés d'habitude, il vous faut, sur la première demi-journée, elles sont totalement inaccessibles. Vous avez une cinquantaine de journalistes autour, il faut faire la queue pour pouvoir accéder aux voitures. Ça n'était pas le cas. Jean-Luc, on n'a pas l'impression que c'est un salon de transition finalement. L'électrique est là mais pas vraiment arrivé. Vous savez, ça me fait penser le véhicule autonome est un peu là mais il n'est pas vraiment arrivé. Ça me fait penser à l'IG en Formule 1 qui est resté en transition jusqu'à disparaître quand même. Donc si le salon de Paris est en transition, j'ai peur que ça soit la transition mais finale. Mais vous savez, ça c'est mon sentiment à moi. Ouais, mais peut-être que Didier Laurent, qui est journaliste automobile aussi, célèbre, et qui est membre Gold Platinum de l'émission de votre auto, savoir s'il partage un petit peu mon sentiment. Bonjour Didier. Bonjour Didier. Bonjour, bonjour messieurs, bonjour à tous. Mais alors, Didier, je suis sûr que vous êtes beaucoup plus optimiste que Jean-Luc. Ben, il faut. Alors, Jean-Luc a raison sur un point, je pense que vous l'avez évoqué juste avant, on est peut-être dans un moment de transition où il faut se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, on ne fait plus du commerce automobile comme avant et il y a d'autres moyens d'aller toucher les clients que dans les salons. Et donc, c'est ce qui explique quand même l'absence de 11 marques au mondial. Oui, ça, c'est quand même le coup dur de cette année, hein. Ford, oui, c'est le coup dur, c'est contextuel. Ford, alors, Mazda, Volvo, Ford, Volvo ou Mazda, donc c'est quand même des marques qui font un certain volume et qui représentent le ventre mou de l'automobile en France. Après, on a ce qui manque le plus finalement aussi bien pour les journalistes, mais aussi, je pense surtout pour les clients, les gens qui aiment l'automobile, c'est les marques de prestige. Parce que Il faut que ça fasse rêver, pas de Rolls, pas de Bentley, enfin il faut. Aston Martin, McLaren, ouais. Donc là il n'y a rien pour rêver. Vous avez Ferrari quand même, vous avez la Ferrari découvrable. Bon, tout est vendu, donc c'est bon, voilà. Mais c'est vrai que c'est du rêve. Le problème chez Ferrari, c'est que on voit les voitures de loin, puisqu'on peut pas accéder au stand. Voilà. C'est vrai que les accès sont plus ou moins difficiles. Et donc tout le monde a mis le cap sur la rationalité. C'est vrai que on est passé d'un salon où on voulait un petit peu rêver, où là, il s'agit vraiment en plus de vendre des voitures, même si d'habitude c'est déjà le cas. Les grands constructeurs internationaux viennent pas juste pour exposer. Mmh. Moi, j'ai noté quand même qu'il y avait un retour de la sportivité. Alors qu'on avait un peu honte de faire du sport automobile sur les dernières éditions, là, on a vu quand même que chez Renault, par exemple, ils ont affiché une Formule 1 et une Formule I, les nouvelles monoplaces électriques. On en a aussi chez DS, on en a aussi chez Jaguar. La 3008 Dakar, voilà. la 3008 Dakar. Il y a une voiture de rallye aussi chez Toyota ou chez Citroën. Mmh. Donc malgré tout, mais ça c'est du marketing, parce que pourquoi Toyota et Citroën ont une nouvelle voiture en rallye, c'est aussi parce que ça permet d'aller toucher des clients avec des voitures qui ressemblent un petit peu à celles qu'on peut acheter en concession. Donc voilà, c'est aussi du transfert de technologie. Volkswagen, qui en ce moment domine le monde du rallye, par exemple, est là aussi pour vendre des voitures au travers de l'image qu'il va véhiculer avec ses victoires en rallye. Alors, évidemment, on a après toutes les grandes marques généralistes, et on parlait de Peugeot juste avant. J'ai une petite information sur le Peugeot 3008 notamment, donc on l'avait déjà vu en photo et on va l'essayer très bientôt. Là, c'est sa première sortie publique, mais y a une petite nouveauté, c'est que le 3008, malgré tout, a représenté la deuxième requête sur Google après le Q5. Après l'Audi Q5 sur les requêtes sur Internet. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, déjà la voiture suscite un intérêt, mais surtout que les gens aujourd'hui, leur première source d'information, c'est pas les salons. C'est-à-dire, c'est pas prendre sa voiture, aller payer 30 euros de parking et 16 euros l'entrée au mondial de l'auto, c'est d'aller voir ce qui se passe sur Internet. Exactement, c'est d'aller voir sur Internet. Alors bon, il y a quand même deux grandes tendances lourdes sur ce mondial de l'auto. On a évoqué le 3008, c'est les SUV, pratiquement 50%, même plus que 50% des nouveautés sont des SUV, et pas loin de la moitié de ce qui reste. Et me dire qu'est-ce qu'il y a d'autre, c'est de l'électrique, quoi. Donc c'est ou l'un ou l'autre, c'est le grand écart quelque part, voilà, ou SUV électrique effectivement, mais c'est à la fois le côté environnemental, et de l'autre côté c'est un paradoxe un peu, hein. Le segment qui se porte le mieux, c'était celui qui était le plus décrié il y a quelques années, je sais pas si vous vous souvenez, on appelait ça des 4x4 à l'époque, aujourd'hui on appelle ça des SUV, bon quelque part c'est un peu la même famille quand même. Ouais, mais c'est plus des 4x4, et ce qu'on peut dire quand même, c'est que le temps automobile ne va pas à la même vitesse que le reste, donc il faut faire évoluer les mentalités. Effectivement, pendant très longtemps quand même, pendant 2 ou 3 mondiales, on a vu des CO2, des grammes de CO2 affichés sur toutes les portières des voitures, et toutes les voitures étaient blanches, et là il s'agissait de faire croire au monde qu'il n'y avait plus rien qui polluait nulle part. Effectivement, mais ça, c'est le client qui parle, le vrai patron, c'est le client de toute façon. Pourquoi on fait tout le monde fait des SUV? C'est parce que les gens en veulent. Même le 3008, puisqu'on parlait de lui, qui passe du statut de crossover au statut de SUV, c'est parce que les clients le demandent. C'est parce que les enquêtes ont démontré que les gens veulent conduire des voitures un peu plus hautes, un petit peu plus grandes, un peu plus sportives, un peu plus sympas. Mais, effectivement, ils veulent conserver, une bonne autonomie d'un côté, et d'un autre côté avoir un véhicule qui consomme pas trop. Donc avoir un véhicule qui consomme pas trop, ça passe par des énergies alternatives parfois, mais en tout cas souvent des solutions à deux roues motrices. Alors Didier, Jean-Luc, on va revenir dans un instant. Vous nous direz qu'est-ce que vous retenez de ce mondial. Non, mais moi j'ai même une autre question très personnellement. Oui. Tous nos auditeurs là qui sont avec nous, qui sont peut-être dans la région parisienne, qu'est-ce qu'il faut aller voir? Eh ben, on a la chance de vous avoir le guide. Jean-Luc, Didier, vous allez nous dire ce qu'il faut aller voir en priorité au Mondial de l'Auto. D'accord, Didier? Eh bien oui, pas de problème, avec plaisir. Bon, voilà. Et puis Jean-Luc nous dira où sont les food trucks, parce que je sais que c'est quand même un parcours important pour lui aussi, les endroits où il faut aller manger. Donc à tout de suite, c'était RMC, c'est le week-end des experts. On est là dans quelques secondes. RMC, votre tour. RMC, le dimanche soir, c'est le RMC Poker Show. Tous les dimanches minuit, retrouvez le RMC Poker Show avec Winamax. Les plus grands tournois, les anecdotes, les conseils avec Daniel Riolo et Moundir. Le poker dans tous ses coups, c'est le RMC Poker Show. Ce soir, dès minuit sur RMC. RMC Poker Show avec Winamax, site de poker en ligne. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Bonjour Rémi, juste pour te rappeler que je pars en vacances. Aucun souci Martine, et tu vas où? Eh bien on va faire du camping dans le jardin de mes parents. À moins que tu ne m'apprennes qu'on a des super destinations pour pas cher avec notre mutuelle. Je crois pas, non, mais c'est bien le camping, le retour à la nature, la famille, quelle chance tu as. Oui. Si vous aviez souscrit une assurance santé chez Malakoff Médéric pour vos collaborateurs, Martine aurait pu bénéficier de tarifs préférentiels pour ses loisirs. Plus de services dans votre contrat santé, c'est notre engagement pour faire de votre entreprise un territoire de santé. Renseignez-vous sur malakoffmedéric.com ou en boutique. Malakoff Médéric Prévoyance est une institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale. Pendant ce temps chez Renault, la French Touch se met au rugby avec des portes ouvertes exceptionnelles du 13 au 17 octobre. Pilier de la sélection, nouveau Scénic, impressionnant de design et de technologie. Et oh joli, Twingo, Captur et Mégane au meilleur de leur forme avec Easy Pack. Oui, Easy Pack, sans apport, 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Voilà qui promet de très belles portes ouvertes. French Touch, touche française. Easy Pack, pack tout inclus. Ouverture dimanche 16 selon autorisation dans le réseau participant. Voir Renault.fr. Top! J'ai 20 secondes pour vous dire que chez Feu Vert, ce sont les 30 jours de l'expert. 30 jours d'offres tip top. Exemple, vos premières plaquettes de frein Bosch sont à 1 euro. Puis, elles vous sont offertes à vie. Mais attention, vous n'avez plus que 4 jours pour en profiter. Alors vite, il n'y a pas une seconde à perdre. Voir conditions sur feuvert.fr. Sur France 3, découvrez l'histoire de ceux qui font l'histoire. Alain Juppé ou le portrait d'un homme à la reconquête du pouvoir. Avec qui je partirais sur une île déserte? On ne demande pas aux Français de choisir quelqu'un pour aller sur une île déserte. On demande quelqu'un pour conduire le pays. Inédit, Alain Juppé le ressuscité, premier documentaire du mois politique, demain à 20h55. France 3, vous êtes au bon endroit. RMC, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau. Le week-end des experts d'automobile, nous vous faisons visiter en VIP, les amis, le mondial de l'auto qui a ouvert ses portes. C'était hier hein, pour le grand public. Pour le grand public. Alors c'est vrai que les journalistes ont eu l'occasion de le découvrir depuis deux journées pour arpenter le salon un petit peu avant. Et voilà. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que je commence, Didier. Je prends la main des auditeurs qui vont rentrer dans le hall 1 pour commencer. Donc c'est le hall principal. Qui est un peu moins grand qu'il a été par le passé, qui est un peu moins grand parce qu'il manque des constructeurs, donc on arrive à faire le hall 1 très correctement en moins d'une heure. Alors qu'est-ce qu'il y a à voir dans le hall 1? Je commencerai par le bout. Il y a un très beau bateau, moi qui m'a plu, il y a un Riva chez Fiat, vous savez la petite Fiat 500 série limitée Riva. Ouais, bon ouais. Voilà, ouais, ça c'est pour le fun et juste à côté. Que vous allez au mondial de l'auto, il vous nous conseille d'aller voir un bateau. Je vous conseille d'aller voir un bateau. Didier, non, ça commence mal. Hein. C'est sympa. Oui, en même temps, c'est une des plus belles pièces du hall 1, il faut le dire quand même. Voilà, ouais. Alors ensuite, vous avez un petit peu plus loin, vous avez la Ferrari. Vous me faites rire tous les deux. Vous avez la Ferrari. Le mondial de l'auto, il nous conseille d'aller voir un bateau. Voilà. Vous avez la Ferrari. La Ferrari. Voilà, en version la découvrable. Elle s'appelle la Ferrari. Ah oui, d'accord. C'est une Ferrari qui s'appelle la Ferrari. Et elle est découvrable, ça c'est la nouveauté. D'accord. C'est la seule voiture un petit peu qui fait rêver. De ce mondial, je parle de voitures de série, parce que vous allez voir dans les concept cars, il y a des trucs très sympas. Qui a un machin, oui, alors on va pas aller chez Renault tout de suite. Ensuite, quand vous revenez de chez Ferrari, vous passez par le stand Nissan. Pour moi, il est important de s'arrêter chez Nissan. Pourquoi? Parce que vous êtes d'accord parce que avec déjà, moi, Didier? Il y a Carlos Ghosn qui est là. Parce qu'il y a Carlos Ghosn qui a fait un discours en anglais chez Nissan. Je trouve ça très bien, un salon de Paris. Voilà, c'est parfait. Bah oui, c'est très bien parce que la nouvelle petite Nissan sera fabriquée en France. Voilà une chose qu'elle est bien. Elle sera fabriquée à Flins dans une usine Renault. Et comment elle s'appelle cette petite Nissan? Vous voyez, tiens. La Micra, pardon. Voilà. Ah, Didier. Merci. Heureusement Didier. Que vous suivez, hein. La Micra qui change complètement. D'accord. La génération précédente, la génération 3, était plutôt fade. Elle était fabriquée en Inde. Elle n'a pas eu un grand succès. Mmh. Alors que la génération 2 avait beaucoup plus de caractère. Donc cette Nissan Micra, quatrième génération, qui reprend la base d'ailleurs de la Clio, donc qui est excellente. D'accord. Et une voiture qui est plutôt jolie, qui revient, qui je pense va renouer avec le succès en Europe, une belle voiture à aller voir. Version électrique, ça va arriver ou pas, de cette Nissan Micra? Je ne sais pas. En tout cas, Nissan Didier, n'a pas d'info communiqué là-dessus. C'est pas évident parce que dans le groupe Renault-Nissan, on a quand même partagé les choses. Aujourd'hui, c'est la Renault Zoé qui occupe cette place de citadine électrique. D'accord. Donc c'est pas sûr que la Micra devienne électrique. Ok. Bon, ensuite on passe sur le stand d'à côté, c'est le stand Renault. Sur le stand Renault, vous avez deux engins qui trônent. Alors je vais parler d'un et puis je laisserai le soin à Didier de parler de l'autre. La première, elle est connue, c'est la Zoé. Vous allez me dire, la Zoé, il y a rien de nouveau aussi, sauf que cette Zoé-là a une nouvelle batterie qui lui permet d'afficher 400 km d'autonomie, c'est-à-dire 300 km d'autonomie réel, c'est un sacré progrès. D'autant, alors qu'avant on était à combien ? 150 ? On arrivait entre 150 et 180 km. D'accord. Voilà. Là donc on a pratiquement doublé l'autonomie. On a doublé la capacité de la batterie. Et quand qui vous passe dites 300, c'est vraiment 300 réel. C'est 400 homologués. D'accord. Voilà. Donc on enlève 100. C'est 300 km. Réel, avec une nouvelle technologie, une nouvelle chimie de batterie. Et ce qui est intéressant, c'est que le prix que n'a pas encore officiellement annoncé Renault, mais ne sera que 1 500 € plus cher que l'ancienne version. Donc ce qui est plutôt une bonne affaire. Donc voilà, il y a cette Zoé. La location des batteries va pas augmenter au passage ? Alors, j'ai pas le tarif de location des batteries. Parce sauf que si c'est Didier pour augmenter de son côté, là, et doubler la location de la batterie. Non, a priori, non. Mais vous Didier, savez, pas d'infos là-dessus. Le prix. Non, ils les ont pas encore donné. En fait. D'accord. Le prix des batteries a diminué de façon assez notable ces deux dernières années. Hein. On a pratiquement pas tout à fait divisé par deux, mais pas loin. Donc ça permet aujourd'hui de proposer des modèles avec beaucoup plus d'autonomie et finalement pas beaucoup plus cher. Pour revenir à la Zoé, il n'y a que la batterie qui change. La voiture en elle-même ne change pas. Et il y aura toujours la possibilité d'avoir les deux moteurs comme par le passé, le moteur Renault et le moteur Continental qui permet de faire de la charge rapide mais pas de la charge efficace sur une prise normale, et l'autre qui permet de ne faire que de la charge semi-accélérée mais qui est plus efficace sur une prise standard. Voilà. Et il y a un deuxième, vous avez le stand Renault, il y a deux montagnes sur le stand Renault. Et sur l'autre montagne, il y a un deuxième véhicule, celui-là qu'on n'avait jamais vu auparavant. Vous ne pourrez malheureusement pas aller acheter chez le concessionnaire, dont le nom, déjà à lui tout seul, résume un peu la voiture. Un vrai trésor, c'est marqué dessus. Alors c'est... avec un Z. Hein. Trésor, zéro émission. Ouais. Exactement. Alors zéro émission. Le moteur est celui qu'il y a dans les Formula I, donc les monoplaces de la marque. Qui court dans un championnat, sous le capot de cette voiture, donc 350 chevaux en mode électrique avec un couple de 380 Nm. Donc Renault annonce un passage de 0 à 100 en moins de 4 secondes, mais bon, de toute façon, on ne pourra pas le vérifier puisque ça reste un concept car. En revanche, c'est intéressant d'aller le voir parce que pour moi, c'est un des deux concept cars du salon qu'il faut pas louper parce que c'est spectaculaire, parce que c'est joli, parce que c'est technologique, parce que c'est amusant, c'est récréatif. C'est toute la partie supérieure de l'habitacle qui se soulève pour laisser apparaître l'intérieur. Alors à l'intérieur, il y a 5 écrans. C'est un petit peu comme dans les films de science-fiction des années 80. Hein, avec il y a un cockpit en bois, il y a du cuir. C'est évidemment joliment fait. Et ça vaut le coup d'œil. Alors oui, bien sûr, là, on est dans le rêve absolu. Mais en même temps, on est aussi dans le transfert de technologie puisque la Formula I, donc le moteur qui est utilisé pour cette voiture, va servir à développer les futurs moteurs électriques du groupe, que ce soit pour la Nissan Leaf qui sera renouvelée qu'en 2020 ou la Zoé, voilà, dont là on a changé les batteries, mais on changera certainement d'autres choses dans les mois et années qui viennent. Ouais. Juste une petite précision concernant Renault, une annonce technologique. Renault va intégrer Waze dans tous ses véhicules, donc le système de guidage. Alors, c'est Android qui va, c'est dans un premier temps, sur Android Auto, on pourra avoir Waze sur les Renault, mais à partir du moment où l'application est développée pour Android Auto, on imagine bien que tous ceux qui ont Android Auto dans les voitures auront Waze dans la voiture. D'accord. Voilà. Je pensais que c'était dans l'interface des véhicules Renault. Alors, il y a un accord qui a été signé. Par exemple, sur les cartographies Waze, on aura, par exemple, les bornes de recharge Renault. Ouais. Qui seront indiquées. Donc, il y a un partenariat. C'est Renault qui, le premier, va bénéficier sur ses applications Android Auto de Waze. Mais les autres constructeurs l'auront.

qui est pas du tout usurpé. Alors vous avez les 4 cylindres turbo ou le moteur V6 Atmo que moi j'aime beaucoup parce qu'il fait un bruit super. D'accord. Alors sinon, de manière plus générale, tout le monde n'a pas les moyens d'acheter même en occasion une Mercedes. Outre donc la qualité intrinsèque de la fabrication qui est liée au constructeur, qu'est-ce qu'il faut, à quoi faut-il faire attention? Tout d'abord à l'usage. Alors ce que je vous conseille, moi, quand vous allez voir une voiture d'occasion, c'est de demander au propriétaire de faire un tour avec la voiture, mais avec lui au volant, pour voir déjà comment il conduit. D'accord, oui. S'il fait patiner l'embrayage, qu'il passe les vitesses sans débrayer, qu'il freine comme un sourd, qu'il prend les trottoirs à fond. Il vaut mieux éviter. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, d'acheter le véhicule. Je réfléchis. Oui, c'est ça. Je vais réfléchir, je reviens demain. La deuxième chose, c'est d'avoir un carnet d'entretien à jour. Ça, c'est très important. Un carnet d'entretien à jour et avec un suivi complet du véhicule. D'accord. Que vous ne retrouviez pas avec une voiture vendue pour 60 000 km et découvrir un an après qu'elle en a 250. Alors que si vous avez le carnet d'entretien, vous êtes sûr, vous verrez bien, les kilométrages sont indiqués. Vous verrez que ça a été fait sérieusement, de préférence au moins pendant la période de garantie dans le réseau. Et puis ensuite, passer de temps en temps dans le réseau, c'est important pour faire les mises à jour. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les deux choses essentielles. Le carnet d'entretien, très important. Le 32-16 pour toutes vos questions auto sur RMC, on vous attend. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 732-16. 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau. C'est 9h25, merci d'être là, un bon dimanche à vous toutes et à vous tous, et sachez que ce week-end des experts est écourté exceptionnellement ce dimanche matin, puisque dans un gros quart d'heure vous retrouverez le Grand Prix de Malaisie avec toute la Dream Team F1 d'RMC. Voilà. Bon, en attendant, nous on était sur l'imitation de la Formule 1, c'était impressionnant. Incroyable, fermant les yeux, j'y étais là. Ouais, vous avez vu, je peux faire le public aussi. Ouais. Écoutez, en fermant les yeux, j'aimerais bien maintenant que vous nous transportiez au mondial de l'auto. On était sur le stand Renault, on venait de voir le concept car Renault qui s'appelle Trésor. Vraiment, je vous invite à aller le voir. Superbe. Et juste à côté, un véhicule qui était relativement discret dans un coin, mais qui a quand même une importance. Un SUV également chez Renault, c'est la nouvelle version du Koleos. Alors, vous savez que la première génération n'a pas eu beaucoup de succès, d'une part parce qu'il avait un design qui était un peu difficile. On va dire ça, pas un physique facile. Le physique de radio plutôt pour le Koleos. Et puis, il était un petit peu à cheval entre deux catégories. Là, maintenant, clairement, il a grimpé en gamme. Et franchement, plutôt pas mal. Donc, allez voir. Ensuite, je vous propose, avec Didier, de passer sur un stand en face chez Citroën avec une des grosses nouveautés françaises ça c'est au figuré, puisque en fait une petite voiture, c'est la Citroën C3. Oui, la C3, donc là elle reprend, on va dire, dans sa partie haut de gamme, vous savez, les bandeaux plastiques qu'on a vu apparaître sur la C4 Cactus. Alors toutes les versions n'en seront pas équipées, néanmoins c'est une vraie nouvelle voiture, tout à fait renouvelée, connectée, qui offre un tas de services en parallèle. Et alors je vous invite aussi à plus globalement regarder de plus près le stand de Citroën, qui je trouve est très très zen, très ludique, très agréable à visiter. Alors la nouvelle C3, elle va être lancée dans quelques jours maintenant, et évidemment Citroën mise beaucoup sur ce modèle parce que c'est un petit peu le modèle du renouveau. Avec la C4 Cactus, on était allé dans un univers qu'on n'avait pas connu jusqu'à présent avec la marque, et là on commence à voir apparaître les nouvelles briques du plan de design de la marque. Oui. Et donc maintenant on est plutôt impatient de voir la suite. On sait que notamment, bien sûr, la marque lancera elle aussi des SUV dans les années qui viennent, et donc on voit bien, d'ailleurs, avec la C3, que on se lance dans un univers à l'image du stand, finalement, un peu zen, un petit peu plus ludique. C'est une espèce de gros jouet, une sucrerie automobile, je dirais, qui va certainement plaire, parce que on en a besoin de ce genre de véhicule, et elle est bien dans l'air du temps. Ouais, c'est bien de positionner la marque Citroën comme ça, parce que Peugeot, clairement, qui est de l'autre côté de la rue, dans le mondial de l'auto, se positionne, on l'a évoqué la semaine dernière, beaucoup plus haut de gamme, avec deux SUV, un gros qui s'appelle le 5008, quoique gros, quand on le voit en vrai, il paraît moins imposant que on voit sur les photos. Un SUV 7 places, franchement assez réussi, et le 3008 qui va réellement être un des... On peut d'ores et déjà annoncer que ça sera un carton, et en plus il a eu son premier prix. Il a eu son premier prix déjà jeudi, un prix décerné par 01net, on est dans la maison. La rédaction de 01net qui est le premier site d'actualité high-tech en France et qui depuis 3 ans propose, à l'occasion du mondial de l'auto, le prix de la voiture connectée. Exactement, on a Delphine Sabatier avec nous qui est directrice de rédaction. Bonjour Delphine. Bonjour Delphine. Alors le 3008, ça y est, hein, voiture connectée de l'année. Donc déjà, il n'est pas encore commercialisé. Déjà, il est auréolé d'un prix ô combien prestigieux. Oui, c'est son premier prix en plus, je crois. Donc ils étaient très contents chez Peugeot. C'est vrai que c'est la 3e édition là du prix de la voiture connectée et que il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en 3 ans finalement. Hein. Moi, je me rappelle qu'en 2014, la Tesla, par exemple, n'était pas encore sur les technologies de conduite autonome. Donc, on a beaucoup progressé ces 3 dernières années. Ouais, qu'est-ce qui vous a plu à vous, Delphine? Parce que moi, je sais ce qui m'a plu dans la 3008, mais à vous, qui vous a plu? Eh ben, c'est qu'elle combine un peu tous les critères du prix de la voiture connectée. C'est-à-dire qu'en termes de sécurité, elle offre le panel complet des technologies. En termes de conduite intelligente, on n'est pas sur de la voiture totalement autonome, hein, mais on y va. On voit qu'on a des choses qui sont développées intéressantes. En termes de loisirs, là, Jean-Luc, je sais que vous êtes convaincu. Moi, je suis convaincu par l'installation audio, l'installation audio focale, et c'est très bien d'avoir vraiment. C'est un acousticien français focal. Ils font du très haut de gamme en hi-fi et ils se sont intéressés réellement à l'acoustique dans la voiture. C'est pas juste un autoradio, hein. C'est vraiment une chaîne hi-fi dans la voiture. Voilà. Et puis, ça reste une voiture familiale, accessible quand même à beaucoup de gens, avec des interfaces numériques. Ça aussi, c'est intéressant parce que souvent, on se dit, on va mettre tout un tas de technologies, mais qu'on va pas savoir maîtriser. Et là, ils ont vraiment, je trouve, une réflexion poussée. Ils ont écouté les clients parce que la 308 était sortie. Il fallait systématiquement passer par l'écran tactile pour tout régler, y compris le chauffage, y compris tout un tas de choses. Et on honnêtement, revient à quelque chose c'est de plus pas simple. Pratique. Voilà. D'accord. Et là, vous avez des touches de raccourci. Surtout quand on est en train de conduire, c'est très compliqué de regarder un écran tactile. Il faut toujours avoir un copilote. Bon, c'est un peu fatigant. Là, il y a vraiment des raccourcis clavier. On est vraiment dans le domaine du numérique. Qui permettent d'accéder très facilement aux services numériques qui sont dans la voiture. Donc tout ça fait que elle combine tous les critères du prix et en plus elle apporte des nouvelles solutions de mobilité. Voilà, c'est pas juste une voiture, c'est une voiture qui réfléchit à l'avenir du transport individuel demain. Oui, Delphine, parce que c'est ça qui est génial. On a pu la voir sur Zéronet TV entre autres, hein, cette voiture, et dans le coffre. Il y a un truc de génial, quand même. Alors, c'est une option, hein. Vous l'avez pas quand vous achetez le véhicule. C'est une option qu'il faut prendre en compte. Oui, bien sûr. Vous avez la trottinette électrique qui se recharge dans le coffre. Mais attendez, tout est bien intégré. Ouais, et le GPS vous propose, par exemple, si vous allez à un endroit qui va être inaccessible, de finir votre trajet. Donc, je me gare au parking avec ma 3008. Et je vais terminer la trottinette électrique. Le dernier kilomètre avec la trottinette. Exactement. C'est pas mal, ça, Delphine. Ça fait aussi pencher la balance? Complètement. C'est une bonne idée. C'est intelligent. C'est vraiment une réflexion, sur l'avenir de la voiture. Et puis, c'est une voiture qui est évolutive. C'est la première voiture française qui est évolutive. Donc, elle a, je dirais, tout pour avoir ce prix. Elle le mérite. On était très fiers de le remettre. Et puis, on a aussi récompensé Tesla, parce que Tesla, toujours. C'est un peu élitiste. Élitiste, la Modèle 3 va bientôt sortir l'année prochaine. Oui, mais là, c'est la Tesla X. Hein, Oui. Ticket d'entrée, il est au-dessus de 100 000 euros. On lui a donné le prix du luxe high-tech. Hein, on est vraiment dans l'univers du luxe. Mais il faut savoir que dès l'année prochaine, il y aura une Tesla à 30 000 euros. Alors, qui sera moins luxueuse, bien sûr, mais on voit que les segments de la Tesla évoluent. Bon, en attendant, si vous pouvez pas vous payer la Tesla à 30 000 euros, on a récompensé également un autre véhicule qui va être concurrent de la Tesla, au moins en matière d'autonomie, parce qu'elle en offre plus. C'est chez Opel, c'est l'Ampera i. Ça, c'est le coup de cœur. Oui, ça, c'est vraiment le coup de cœur du jury, parce qu'il y a un record, il y a une prouesse dans la mobilité électrique, ça, c'est évident. Et puis aussi parce qu'elle

plus comme avant, quoi. Je sais que c'est un lieu de martyr, un lieu où est tombé Jacques Hamel. Chaque fois que j'entre dans cette église, je pense un peu au sacrifice de sa vie. Pas seulement les derniers actes, mais aussi à sa vie. Il a donné pour les autres. Je pense un peu à tout ça. Quand j'entre dans cette église, il y a tout ça qui se passe dans ma tête. Le père Auguste avec Romain Poiseau. Quand on cherche à se faire élire par les électeurs du FN, on risque de mener une politique inspirée par les thèses du FN. Le tacle est signé Alain Juppé dans le JDD, des propos qui font écho directement à ceux tenus hier soir par Nicolas Sarkozy en meeting au Sable d'Olonne. Quand on appelle à faire la primaire de la droite et du centre, une primaire ouverte jusqu'aux électeurs de gauche, on se prépare à quoi ? À des petits arrangements, à mélanger un peu de gauche avec un peu de droite. Et que diraient les électeurs de la droite et du centre s'ils étaient floués parce que des électeurs de gauche avaient choisi un candidat qui n'était pas celui que voulaient les électeurs de la droite et du centre? Est-ce qu'on ne croit pas qu'ils nous abandonneraient au premier tour pour choisir un autre candidat, lui, qui n'est pas dans notre famille politique? Voilà ce que je veux éviter. À Calais, affrontement hier entre militants pro-migrants et forces de l'ordre. 5 policiers et un photographe ont été légèrement blessés. Ces violences interviennent alors que la jungle doit être démantelée dans les prochains jours. Et parmi les communes qui doivent accueillir des migrants venus de Calais, il y a Alex dans la Drôme, un village de 2500 habitants. Un référendum sur la question devait avoir lieu aujourd'hui. Seulement, ce type de consultation est illégal puisqu'une municipalité n'est pas compétente en matière migratoire. Le reportage sur place du correspondant d'RMC dans la région, Gwenaël Vindrestin. La décision a été prise dans la nuit de vendredi à samedi. Il n'y aura pas de référendum organisé ce dimanche à Alex. Gérard Crozier ne veut pas se mettre hors la loi, mais le maire d'Hiver Droite reste très amer. L'État a réduit à une question de droit une affaire qui mériterait bien plus. Il n'a rien gagné, mais c'est la démocratie qui en souffre. Les Alexoises et les Alexois sont bâillonnés. Une annulation que ne comprennent pas les habitants de cette commune, car au-delà de l'accueil de ces migrants, c'est surtout le fait de ne pas pouvoir donner son avis qui dérange, à l'image de Lynn. Je suis pas déçue, je suis en colère. On a le droit de s'exprimer, que ça change quelque chose ou pas. On a le droit de dire ce qu'on pense, quand même, il manquerait plus que ça. C'est pas démocratique. Depuis 10 jours, 11 migrants sont déjà installés dans l'ancien centre social de la ville. Alors maintenant, il faut les accepter. C'est ce que pense Frédéric, qui aurait voté pour leur accueil. Mais non, j'ai le problème. Moi, je comprends les gens qui ont peur d'avoir des appréhensions par rapport à cette situation, mais soyons efficaces. Et la municipalité espère que l'annulation de ce référendum n'attisera pas les tensions qui existent entre les partisans et les opposants à l'accueil de migrants à Alex. Évacuation en Haïti et à Cuba en prévision de l'arrivée de l'ouragan Matthew. Le typhon est de nouveau classé en catégorie 4 sur une échelle de 5. Donald Trump, exonéré d'impôts durant 20 ans. Le milliardaire aurait réussi à ne rien devoir au fisc américain en déclarant de très importantes pertes. Une manœuvre légale révélée aujourd'hui par le New York Times. Se surnomme lui-même, était de nouveau sur scène hier soir à Évry. Renaud, toujours debout pour reprendre le titre de son dernier album, entame une tournée qui compte une centaine de dates. Football, suite de la 8e journée de Ligue 1 avec le derby Lyon-Saint-Etienne ce soir au stade de l'OL. Côté entraîneur, on se connaît bien, alors on plaisante. Le Stéphanois Christophe Galtier bluffe et explique venir avec une équipe de réserve à Lyon. Difficile à croire pour Bruno Genesio, l'entraîneur lyonnais. Petit échange concocté par Edouard Jay. J'aime bien ces petites déclarations avant les derbies, c'est sympa, ça reste en plus courtois, donc c'est toujours sympa, mais je le crois absolument pas. On est... De la même génération, on a collaboré un ensemble, il a un parcours qui ressemble au mien. Ouais, mais Christophe, il a plus d'expérience que moi dans le métier, donc il est malin, il s'est enlevé la pression à son équipe. Même si c'est toujours un guerrier, un combattant dans les derbies, il a toujours eu une attitude irréprochable. Metz humilié par Monaco, les joueurs de la Principauté ont écrasé hier leurs adversaires 7-0. Ils prennent donc la tête du classement. En rugby, suite de la 7e journée du top 14, derby méditerranéen cet après-midi au Vélodrome. Toulon affronte Montpellier. Sur le terrain, ce sont aussi deux amis de longue date qui se retrouveront, mais pas avec le même maillot. François Trinduc côté toulonnais et Fulgence Ouédrago, le capitaine de Montpellier, Julien Landry. Oui, tout commence au début des années 90 à côté de Montpellier. François Trinduc s'en rappelle. C'est vrai qu'on se souvient de son arrivée, c'était assez rigolo, c'était la première fois qu'il faisait du rugby. Les souvenirs de cette époque sont nombreux. Fulgence Pedrago a en mémoire un grand voyage en Afrique du Sud. On nous présentait comme l'équipe de France. Nous, on le prenait très à cœur, donc on sortait la Marseillaise, on se donnait à fond. Premier match professionnel ensemble, première sélection en équipe de France ensemble. Ils ne se quittent plus et en 2011, ils se retrouvent au Stade de France pour la finale du championnat. Une terrible désillusion pour Trinduc. Ça aurait été magique de remporter ce titre avec cette génération. C'est vrai que la finale a été particulièrement dure à digérer. Les adieux déchirants de Trinduc la saison dernière et les larmes de Fulgence ont marqué les esprits. Cet après-midi, les deux amis se retrouvent. Je pense que sur le terrain, il n'y aura pas de cadeau, il n'y aura pas de sentiment. Prochain rendez-vous en décembre pour le retour de Trinduc à Montpellier. Après Rome, Los Angeles et Budapest, Thomas Bach, le président du Comité international olympique, poursuit aujourd'hui sa visite à Paris. Entre son déjeuner à l'Élysée ce dimanche, sa participation à la Nuit Blanche hier soir, tout avait été calibré pour optimiser les chances de la capitale d'obtenir enfin les JO pour 2024. Pour Tony Estanguet, le coprésident du projet parisien, cette visite doit être décisive. Je souhaite vraiment capitaliser sur ces deux jours pour recueillir des informations de sa part et avoir la possibilité d'avoir des échanges assez directs. On est encore dans une phase de compétition, on n'est pas uniquement dans une phase de communication, on est aussi dans un moment où on peut progresser, améliorer notre dossier. Donc cet échange avec lui, il est décisif de ce point de vue. Et je suis sûr qu'encore une fois, il va interagir là-dessus. Donc on voulait créer les bonnes conditions pour que ça se fasse. Le Qatar, prix de l'Arc de Triomphe, se dispute aujourd'hui à Chantilly, Anaïs Sens. Et les pronostics de la Dream Team course pour cet après-midi donc à Chantilly. Sébastien Darras reste fidèle au 10 Found, mais selon lui, le cheval à battre est le 2 Postpone. Brahim Asloum, lui, aime beaucoup le 11 Arsand. Laurent Guédard retient l'As New Bay incontournable. Et le 7 Silver Wave en grande forme, retenez bien ces chiffres. Le 2, 7, 10, 11 et Hélas. Epic Series, la course qui ne s'arrête jamais. PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. RMC, 8h53, tout de suite, place à la Formule 1 avec Jean-Luc Croix. Et oui Claire, effectivement dans 6 minutes maintenant, le départ du tour de formation sur la piste surchauffée de Sepang en Malaisie, avec, vous le savez, la pole de Lewis Hamilton face à son équipier Nico Rosberg. L'issue des 56 tours, eh bien c'est sur RMC, la radio de la Formule 1. La paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Il y a des magasins, quand ils font leur anniversaire, eh ben c'est pas la fête. Hein. Et puis il y a l'anniversaire La Paire, avec une ambiance de folie et un festival de petits prix. Jusqu'au 2 novembre, c'est l'anniversaire La Paire, avec des offres à tomber. Par exemple, 25% de remise sur une sélection de portes de douche. Moins 25% sur les portes de douche. L'anniversaire La Paire, forcément il n'y en a pas deux. La Paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Conditions sur lapaire.fr. Bonjour Rémi, juste pour te rappeler que je pars en vacances. Aucun souci Martine, et tu vas où? Eh bien on va faire du camping dans le jardin de mes parents. À moins que tu ne m'apprennes qu'on a des super destinations pour pas cher avec notre mutuelle. Je crois pas, non. Mais c'est bien le camping, le retour à la nature, la famille, quelle chance tu as. Oui. Si vous aviez souscrit une assurance santé chez Malakoff Médéric pour vos collaborateurs, Martine aurait pu bénéficier de tarifs préférentiels pour ses loisirs. Plus de services dans votre contrat santé, c'est notre engagement pour faire de votre entreprise un territoire de santé. Renseignez-vous sur malakoffmedéric.com ou en boutique. Malakoff Médéric Prévoyance est une institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale. Un pour tous pour l'anniversaire Intermarché. Les 4 semaines les moins chères de France continuent la semaine prochaine. Jusqu'à 70% d'économies sur une grande sélection de produits. Oui, 70%. Et il vous reste encore 3 semaines pour tenter de gagner des milliers de cadeaux en faisant vos courses. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Si vous trouvez moins cher, on vous rembourse 2 fois la différence. Modalité complète, règlement et magasin participant sur intermarché.com jusqu'au 23 octobre. RMC, Grand Prix de Malaisie, Jean Lecroix, Patrick Tambay, Louis Amar. Bonjour à tous, si vous nous rejoignez maintenant, il est 8h55, vous êtes bien sur RMC, la radio de la Formule 1, vous ne vous êtes pas trompé, c'est le Grand Prix de Malaisie qui va partir dans moins de 4 minutes maintenant pour ce qui concerne le tour de formation, un 16e Grand Prix de la saison 2016, ça tombe bien, que nous allons vivre bien sûr en compagnie de Patrick Tambay. Bonjour Patrick. Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Et en compagnie naturellement de Louis Amar qui est là-bas sûrement au milieu de la moiteur malaise. Bonjour Louis. Salut Jean-Luc, salut Patrick, bonjour salut à tous. Alors, parlons-en de cette moiteur, de cette température extrêmement élevée qui a perturbé en partie le déroulement des essais libres et des essais qualifs. On a vu plus de 60 degrés sur la piste. Qu'en est-il pour le Grand Prix aujourd'hui ? La température sur la piste a atteint en effet 61 degrés. C'était vendredi lors de la deuxième séance d'essais libres. Un petit peu plus frais, tout est relatif, hein. Mais un petit peu plus frais aujourd'hui. 52 degrés en piste, 34 dans l'air. Il faut dire que le taux d'humidité est un poil plus vivable que les autres jours. 53% d'humidité seulement et 20% de risque de pluie durant cette course. Alors... Amis en burkini. Parce qu'il y en a certains qui sont décorés, hein. Ou habillés, déguisés plutôt. Alors Patrick, on l'entend, hein, bien sûr, tu es un petit peu malade, mais ça fait rien, on va pas se priver. La chaleur et la moiteur, ça devrait faire. Ça devrait bien aller. On va pas se priver, au contraire, de ton analyse. Alors, on l'a dit, 8e pole position de Lewis Hamilton de la saison. Il a pris un petit avantage sur Nico Rosberg pour 4 dixièmes de seconde. Évidemment, ici, la gestion des pneumatiques sur cette piste resurfacée. Et surtout, ce virage numéro 15, Patrick, qui a posé des problèmes aux pilotes. Écoutez, il va y avoir des problèmes techniques, il va y avoir des problèmes de pneumatiques, il va y avoir des problèmes psychologiques, de confiance, d'état d'esprit. Je crois qu'en ce moment là, le grand débat, c'est qui va craquer le premier chez Mercedes. Ça, c'est pour la victoire. Alors évidemment, c'est le bras de fer. On va vous rappeler naturellement les positions au classement général provisoire du championnat du monde avant ce 16e Grand Prix. Donc après les 15 premiers, on vous rappelle qu'il y en aura 21. C'est la première saison où il y aura 21 Grand Prix. Par parenthèse, la FIA a d'ailleurs dévoilé le calendrier 2017 qui est rigoureusement conforme à deux détails près à ce qu'il était en 2016. C'est donc évidemment Nico Rosberg, à l'issue de ses 3 victoires consécutives, on les a vécues ensemble sur RMC, qui mène avec 273 points, soit 8 points d'avance sur Lewis Hamilton. Nico, on l'a dit et redit, il tient le manche pour le moment, Louis, mais il est évident qu'Hamilton, accablé un petit peu par des problèmes techniques et des mauvais départs, doit remettre évidemment la barre dans la bonne direction, Louis. Et il l'a fait dès hier lors d'une séance de qualification parfaitement maîtrisée. Le temps de sa pole position est magnifique. 1:32.850. Il est d'ailleurs tout près du record signé en qualification ici sur le circuit de Sepang. Il est à 3 dixièmes du record de Fernando Alonso établi en 2005. Il a mis 4 dixièmes dans la vue de son équipier Nico Rosberg. Rosberg qui d'ailleurs hier était plutôt détendu au sortir de cette séance de qualification. On l'a déjà vu plus énervé après qu'une pole position lui a échappé. Il a dit bon, bah c'est un coup lui, un coup moi. Et il y aura des possibilités, notamment au départ. Il faut dire que 3 fois cette saison, Nico Rosberg a réussi au premier virage à reprendre l'avantage que son coéquipier avait pris en qualif. Alors, on va vous rappeler également les vainqueurs dans ce Grand Prix. C'était Sébastien Vettel avec la Ferrari qui s'était imposé ici même il y a un an, alors que Lewis Hamilton avait signé la pole. Hamilton qui avait terminé deuxième et Nico Rosberg troisième. Le pilote Ferrari était donc encadré par les deux pilotes Mercedes. Raikkonen était quatrième devant les Williams qui sont bien loin aujourd'hui. Et puis si on remonte un petit peu dans l'histoire, eh bien Hamilton s'était imposé ici même, c'était en 2014. Vettel avait triomphé en 2013 déjà, Alonso en 2012, Vettel déjà en 2011 et en 2010, Button en 2009 en route vers son titre de champion du monde, Raikkonen en 2008, Alonso en 2007 et Fisichella en 2006. Patrick, ce circuit, les pilotes disaient qu'il était un petit peu nouveau parce qu'il a été entièrement resurfacé, nous l'avons dit, et on a gommé les bosses. Oui, ça va avoir un impact bien sûr sur déjà le comportement physique des pilotes, parce que toutes ces bosses, c'était très très difficile avec la chaleur ambiante, la température, l'humidité, tout ça c'était très difficile à supporter. Donc ils ont gagné un peu en confort, je dirais, mais il y a quand même physiquement toute une zone, le secteur numéro 2, qui est très délicate, avec des enchaînements de grandes courbes quasiment à fond pour ceux qui sont bien équilibrés. C'est Massa, un petit souci au départ. Un petit souci, Massa qui est scotché sur la grille de départ, là maintenant. Oui, il est scotché sur la grille de départ. En effet, Felipe Massa, il n'a pas pu prendre le départ du tour de formation comme ses camarades. Et là, les mécaniciens de Williams sont en train de le ramener vers le stand. Oui, il était dixième sur la grille. On va vous la donner, cette grille de départ. Alors que les pilotes sont en train de parcourir donc ce tracé long de 5 km 543. Il y aura 56 tours à parcourir, je vous l'ai dit, sur une des courses les plus longues, 310 km. Et on va trouver donc sur la première ligne les deux pilotes Mercedes, Lewis Hamilton. Hamilton qui en est à 57 pole positions dans sa carrière. Extrêmement impressionnant. On vous rappelle que le record est toujours détenu, bien sûr, par Michael Schumacher. 68 poles devant Ayrton Senna, 65 poles. Donc Hamilton, Poleman, Nico Rosberg est à ses côtés. Avec la Mercedes, bien sûr. La deuxième ligne est entièrement Red Bull Renault avec Max Verstappen, le jeune prodige hollandais qui a devancé son équipier de chez Red Bull Renault, Daniel Ricciardo. Troisième ligne, composée des deux hommes de chez Ferrari, justement. Sébastien Vettel, vainqueur l'an dernier, ici même, à Sepang, devant Kimi Raikkonen, qui est à ses côtés avec le sixième temps. La quatrième ligne est composée des deux Force India Mercedes de Sergio Perez, qui restera finalement chez Force India, comme on s'y attendait, avec Nico Hülkenberg, son équipier. Lui, ça n'est pas encore fixé. Et puis la cinquième ligne devait être composée de Button et de Massa, mais on l'a compris, Massa a des soucis. Le reste de la grille, avec toi, Louis. Valtteri Bottas sur sa Williams partira en 11e position aux côtés de Romain Grosjean qui a réussi pour la première fois depuis 8 Grands Prix à se hisser en qualification devant son équipier Esteban Gutiérrez qui lui partira 13e aux côtés de la première Renault, celle de Kevin Magnussen. La ligne suivante composée entièrement des deux pilotes Toro Rosso, Daniel Ricciardo 15e et Carlos Sainz Jr 16e. Marcus Ericsson sur Sauber Ferrari partira 17e aux côtés de son équipier Felipe Nasser 18e. Julian Palmer, deuxième pilote Renault, partira 19e aux côtés d'Esteban Ocon qui lui aussi a réussi pour la première fois ce week-end à battre son équipe en qualification. Pascal Wehrlein partira 21e et Fernando Alonso, pénalisé de 45 places sur la grille pour de multiples changements de composants moteurs, partira dernier, 22e. Allez, on écoute évidemment les radios des pilotes qui sont en train de monter les pneumatiques en température. On rappelle évidemment qu'il y avait trois choix de pneumatiques apportés par Pirelli ici, avec les pneumatiques soft, les médiums et les hard. Évidemment, la majorité des pilotes va s'élancer avec les pneumatiques à flanc jaune. Les pilotes qui vont maintenant s'immobiliser sur la grille de départ, alors que Felipe Massa lui s'élancera de la voie descente suite au problème technique qu'il a rencontré. Les pilotes se mettent maintenant sous les ordres du starter. On vous rappelle qu'il y a 56 tours à parcourir dans ce Grand Prix de Malaisie. Le départ dans quelques secondes, Louis. Dans la chaleur accablante du circuit de Sepang, à quelques kilomètres de la capitale de la Malaisie, Kuala Lumpur, 16e manche du championnat du monde de Formule 1, Lewis Hamilton renoue avec la pole position qui lui avait échappé à Singapour. Nico Rosberg, son équipier et leader au classement général provisoire du championnat du monde, complète la première ligne. Les Red Bull suivent, les Ferrari sont derrière en troisième ligne. Romain Grosjean, le français, partira 12e. L'autre français, Esteban Ocon, partira 20e. Les voitures sont désormais immobilisées sur la grille. La procédure de départ est lancée. Les premiers feux vont s'allumer. Et nous allons laisser, comme chaque week-end, la parole au moteur. Alors que Carlos Sainz s'est plaint d'un problème et que le départ va être donné dans un instant. On l'écoute. Bottas est en pneu dur. Parti. Et Lewis Hamilton a réussi à conserver sa première position. Nico Rosberg est à ses trousses. Va-t-il le prendre dans le premier virage? Pour l'instant, non. Lewis Hamilton est toujours devant alors que les Ferrari ont réussi à se hisser devant les Red Bull. Et oui, un excellent départ du pilote Ferrari, apparemment. Sébastien Vettel qui a jailli. Oh là là, Rosberg en tête à queue, touché par quelqu'un. Ah, Rosberg en tête à queue, Patrick, effectivement, à vérifier dans un instant. Et un autre problème, ah oui, la roue avant gauche de Vettel, voilà, il y a une confusion au milieu du paquet, c'est terminé. Oh là là. Pour Vettel. Vettel, la roue avant gauche est ouverte maintenant. Beaucoup de confusion dans ce virage numéro 1, suivi du virage numéro 2, Louis. Cascade de problèmes en effet pour Nico Rosberg et pour Sébastien Vettel, le grand vainqueur de ce départ. C'est Lewis Hamilton qui a conservé la pole position qu'il avait acquise hier en qualification. Daniel Ricciardo est pour l'instant deuxième et Sergio Perez, qui était parti septième, a réussi à se hisser au troisième rang. Et Romain Grosjean et Esteban Ocon sont 9e et 10e. Oui, 9e et 10e, effectivement, alors que c'est terminé, on vous l'a dit. Radio de Vettel. Oh, that's it. Ah oui, la suspension avant gauche, oui, Patrick, est brisée, on le voit bien, oui, avec la roue. Et apparemment, sera un contact, effectivement, avec le pilote Mercedes, avec Nico Rosberg, semble-t-il, d'après ce que Vettel semble nous dire. On va évidemment avoir quelques éclaircissements. En tout cas, un départ très difficile. Et oui, Hamilton est toujours leader de ce Grand Prix. Et on a évidemment sorti le virtual safety car, c'est-à-dire qu'on a ralenti toutes les monoplaces sur l'ensemble du circuit, oui, ce qui va permettre évidemment d'évacuer non seulement les débris résultant de l'accrochage entre Rosberg, oui Patrick, Rosberg, Verstappen, semble-t-il, Verstappen. Rosberg, il est 21e hein, pour l'instant, Nico Rosberg, il, oui, n'a, il a vraiment complètement manqué son départ. Nico Rosberg, Sébastien Vettel, lui, est en train de sortir de sa monoplace, qui est encore immobilisée dans le gazon, complètement dépité. On a entendu sa voix de glace à la radio tout à l'heure. Sébastien Vettel, qui était le vainqueur ici même à Sepang, il y a un petit peu plus d'un an, lors du dernier Grand Prix de Malaisie, et qui accumule les problèmes après celui qu'il a rencontré en qualification à Singapour, qu'il avait obligé à partir en tout fond de gris. Virtual safety car déployé, en effet, Jean-Luc, tu l'as dit, les positions sont donc figées. Lewis Hamilton est toujours en tête devant Daniel Ricciardo, Sergio Perez, Kimi Raikkonen est quatrième, Max Verstappen cinquième pour l'instant. Absolument, alors qu'il y a un problème également sur la As d'Esteban Gutiérrez, qui a crevé à l'arrière droit et qui est en train de regagner la voie des stands. Il n'est pas le seul à le faire. On a Kvyat également, Massa dans les stands, Magnussen, il y a de l'animation là, Louis. Felipe Massa qui en a profité pour monter les pneus durs alors qu'il était parti en pneus soft. Felipe Massa, ceux avec lesquels il s'était qualifié hier en Q3. C'est effectivement une vague d'arrêt au stand à laquelle on assiste, parce que Kvyat, Gutiérrez, Magnussen sont également en train de s'immobiliser. Magnussen qui était parti en pneumatique médium, Patrick, tu l'as souligné. Oui, à propos de avec Ericsson, je crois. Avec moi aussi, semble-t-il, c'est ce que j'avais relevé. Et Palmer qui était en hard, lui. Alors évidemment. Alors c'est Verstappen évidemment qui s'en prend à quelqu'un, oui. Hein, Louis. Oui, on a entendu le mot idiot et un mot pipé. Voilà. C'est ça. Ça a été plus grossier. Donc, quatre pilotes sont repassés par la voie des stands. Et on rappelle que Sébastien Vettel a dû abandonner la suite de cet accrochage entre le virage numéro 2, l'épingle à droite extrêmement serrée, et le virage à gauche suivant. Patrick, un enchaînement très, très serré, évidemment. Il va y avoir explication sûrement entre Vettel et Rosberg à la suite de ce départ. Oui, ou peut-être aussi Verstappen qui a été en première loge pour voir ce qui s'était passé. Donc il a dû voir Vettel qui le coupait devant, Verstappen je crois. Alors, on le voit, Verstappen, il a été en bataille avec une Ferrari. Il est coincé par Ricciardo devant lui et puis les deux Ferrari. Il en a la une à son côté gauche. Et puis ça accélère, ça s'est touché entre... Voilà, ça, c'est bon gâchis. Alors, je ne sais pas si Nico Rosberg a été véritablement touché ou s'il est parti tout seul en tête à cœur. En tout cas, Louis, on a vu Vettel, après son excellent départ, essayer... Il a été touché. Touché, d'accord. De s'insérer à l'intérieur, Vettel, à l'intérieur du virage numéro 1. Et c'est là qu'il a évidemment emmené Verstappen à l'extérieur. Voilà, qui ne va pas arranger les relations entre les pilotes. On se rappelle du départ mouvementé de Spa-Francorchamps, Louis. Oui, exactement. Il y avait déjà eu du grabuge entre les Ferrari et les Red Bull. Et effectivement, Nico Rosberg a été heurté par l'arrière par Sébastien Vettel alors qu'il prenait l'intérieur du virage à droite du virage numéro 1. Et c'est ainsi que Nico Rosberg est parti en tête à queue. Il a perdu beaucoup, Nico Rosberg, sur ce départ alors qu'il était aux trousses de Lewis Hamilton, qui lui a signé un envol très propre alors que c'était l'un des points faibles depuis le début de saison de Lewis Hamilton. On se souvient notamment de son départ complètement manqué à Monza, qui avait permis à Nico Rosberg de reprendre la tête du Grand Prix dès le premier virage. Le meilleur starter, ce doit être Ocon. Je crois qu'il a dû passer à travers toutes les gouttes, et qui se retrouve dixième. Eh oui, c'est magnifique. Il a fait 10 places, il a gagné 10 places dans son départ. Tout à fait, Patrick, c'est remarquable. Ça a dû s'ouvrir devant lui. Eh oui, et Romain Grosjean qui se retrouve neuvième, les deux pilotes français dans le top 10. Bah, je peux vous dire qu'il y a un sacré bout de temps qu'on n'a pas vu deux pilotes français dans le top 10 d'un Grand Prix de Formule 1. Bon, évidemment, on n'est qu'au début de ce Grand Prix, hein, mais on va en profiter. Et puis, on va dire que, comme tu le soulignais, Patrick, avec justesse, eh bien, ça a dû s'ouvrir devant lui, hein, avec l'énorme tête à queue de Nico Rosberg. Et puis l'espèce de burn-out qu'il a effectué derrière pour essayer de se remettre dans l'axe, lui, ça a profité aux pilotes français. Et ben on va dire tant mieux. Ah, il en faut. Oui, exactement. Tant mieux d'ailleurs. Esteban Ocon nous avait dit hier après la qualif, la seule chance de monter dans les points, c'est qu'il y a un petit peu de grabuge devant et qu'on arrive à en profiter. Pour l'instant, il y est dans les points, Esteban Ocon. Espérons que ça va durer, alors que le Virtual Safety Car est rentré, que le Grand Prix est reparti et que Lewis Hamilton en est toujours le leader. Et voilà Lewis Hamilton qui, lui, évidemment, n'a pas été perturbé par ce qui s'est passé juste derrière lui. Un départ, on va dire, extrêmement calamiteux, même de Vettel, hein, qui a pris un bon départ, qui s'est bien élancé sur les 683 mètres pour être précis, qui sépare la grille de départ du premier virage à droite. Mais voilà, derrière, il a tenté évidemment une attaque à l'intérieur et ça n'est pas passé. On se rappelle que c'était à l'extérieur, à Spa-Francorchamps, tu l'évoquais, Louis, il y a un instant, que Vettel s'était rabattu sur tout le monde, rabattu sur son équipier Raikkonen, qui lui-même avait tassé Verstappen contre le mur. Décidément, Vettel qui n'est pas serein en cette saison 2016. Allez, on est reparti maintenant avec Daniel Ricciardo qui est au deuxième rang et Max Verstappen troisième, et Raikkonen, et il y a du grabuge derrière, Louis. Oui, Raikkonen qui a réussi à passer quatrième juste et devant voilà. Sergio Perez après un magnifique dépassement du Finlandais devant le Mexicain de l'écurie Force India. Pour l'instant, Raikkonen recolle donc à Max Verstappen, troisième provisoire de ce Grand Prix de Malaisie, alors que Daniel Ricciardo a signé il y a quelques instants le meilleur tour en course en 1:49.78 et qu'il recolle à Lewis Hamilton. Il est à 9 dixièmes du Britannique pour l'instant. Ah oui, il va falloir attendre évidemment si cette neutralisation qui n'aura pas duré longtemps hein, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de débris sur la piste, il a fallu juste évacuer la Ferrari de Sébastien Vettel qui était rangé sagement le long du rail à droite de la piste après ce contact. Là, Patrick, une première analyse. Malheureusement, et encore une fois, on l'aime bien, le quadruple champion du monde, mais là, Vettel, il faudrait qu'il ait un peu de sérénité. Je pense qu'il faudrait demander à Verstappen ce qu'il en pense. Ça va nous traduire ce qu'il a dit tout à l'heure au micro. Oui. Mais bon, moi, je ne me permettrai pas. Hein. J'ai beaucoup de respect pour Sébastien Vettel, tu le sais. Et oui. Beaucoup d'affection aussi. Mais moi aussi, mais là, il faut reconnaître qu'il a foiré. Il est quand même un peu sous pression et tout en tension. Hein. Et s'il continue comme ça, on va le montrer du doigt et dire que c'est lui le responsable. Raikkonen est en train de fonctionner bien, donc ça va. Oui. Donc il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même lui qui était à l'intérieur et qui a emmené Verstappen à l'extérieur. Romain Grosjean, il fait un très très bon coup. Là, il est en train de partir vers l'avant. Par contre, c'est Esteban Ocon, il est en train de partir vers l'arrière. Parce qu'il est avec des monoplaces, bien sûr, qui ne sont pas de son niveau. Oui, qui sont beaucoup plus performantes que la sienne. Oui. Et comme le soulignait Louis il y a un instant, eh bien, apparemment, ça va bien pour Daniel Ricciardo, qui reste au contact pour le moment de Lewis Hamilton. Peut-être un classement après 4 tours et après cet accrochage qui a éliminé Vettel et qui a retardé Nico Rosberg, Louis. Lewis Hamilton est en tête de ce Grand Prix de Malaisie, 8 dixièmes d'avance sur Daniel Ricciardo, le premier des deux pilotes Red Bull. Max Verstappen est pour l'instant troisième, à 1,5 seconde de Daniel Ricciardo et à 2,5 secondes de Lewis Hamilton. Kimi Raikkonen est quatrième devant Sergio Perez. Jenson Button pour son 300e Grand Prix et 6e de cette course en Malaisie. Nico Hülkenberg pour l'instant 7e, Valtteri Bottas 8e, Romain Grosjean est 9e, Fernando Alonso 10e et Nico Rosberg est 14e. Une information vient de nous parvenir de la part de l'écurie Mercedes, pas trop de dommage sur la voiture de l'Allemand, il va pouvoir continuer sa course normalement. Et oui, c'est une bonne nouvelle évidemment pour Nico, mais qui va donc... Alors ça c'est la radio de Sergio Perez. Ouais, qui est cinquième actuellement et qui a été en bagarre avec Kimi Raikkonen, semble-t-il. Alors que se passe-t-il évidemment du côté de Sergio Perez? Sergio Perez dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, Patrick, puisque évidemment on a évoqué son nom, notamment chez Renault. Finalement, on sait que cette possibilité a été repoussée et on a appris qu'il restait finalement chez Force India pour le moment. Oui. Comme l'avait annoncé Vijay Mallya d'ailleurs. Il continue sa carrière chez Force India. Qui ne s'appellera peut-être plus Force India. Il doit y avoir pas mal de remue-ménage, je pense, dans cette équipe avec l'arrivée de nouveaux partenaires. Et oui, et puis on s'attendait à ce que les Red Bull Renault soient extrêmement performantes pendant ce Grand Prix, puisqu'elles monopolisaient la deuxième ligne de la grille de départ, Louis. Et on peut dire que pour le moment, eh bien, parmi les trois équipes de pointe, c'est la seule équipe, l'équipe autrichienne, à avoir ces deux pilotes. Et très bien placé, Louis. Promesse tenue pour les Red Bull Renault, en effet, qui se comportent très bien depuis le début du week-end. On peut noter par exemple la deuxième place de Max Verstappen hier lors de la troisième séance d'essais libres où il était parvenu à s'intercaler entre les deux Mercedes. Oui, à un moment donné, on a même cru qu'il allait tenir la pole position sur Hamilton. Et oui, on l'a cru effectivement, Patrick, parce que la performance était tout à fait honorable. Verstappen était à 570 millièmes d'Hamilton et quand on sait que Rosberg était à 414 millièmes, eh bien la différence entre la moins rapide des Mercedes et les deux Red Bull Renault n'était pas énorme, puisque les deux hommes, on vous l'a dit, figuraient sur la deuxième ligne de la grille de départ. Et voilà, Hamilton maintenant a envoyé la soudure, a envoyé la cavalerie, il est en train de creuser l'écart. Lui, c'est lui qui s'empare du meilleur temps en course. En 1:40.90, voilà pour le meilleur temps en course pour l'instant de Lewis Hamilton. On parlait tout à l'heure, messieurs, des remontées de Romain Grosjean et d'Esteban Ocon. Il y en a une autre à souligner, c'est celle de Fernando Alonso, le double champion du monde espagnol, pénalisé, je vous le disais tout à l'heure, de 45 places pour plusieurs changements sur son unité de puissance. Il était parti 22e, il est désormais 9e parce qu'il vient de dépasser Romain Grosjean. Et oui, il est en mode essai, Fernando Alonso. Il est encore heureux, hein, on le voit pas malheureux d'être mal placé, mais parce qu'il sait qu'il travaille pour l'avenir en ce moment. Et il travaille. Felipe Massa a un problème. Felipe Massa a un problème. Il a une crevaison. Il va devoir repasser par la voie des stands. Louis Massa qui s'était élancé précisément depuis la voie des stands après, semble-t-il, un problème de sélection de boîte de vitesse, hein, sur la grille. Oui, et il était repassé par la voie des stands à l'occasion du Virtual Safety Car. Il en avait profité pour monter des pneus durs. Il va donc devoir y retourner, alors que j'ai l'impression que dans le stand Williams, on prépare également un nouveau museau pour la monoplace de Felipe Massa. Ça y est, il entre à l'instant dans la voie des stands, le pilote brésilien qui a annoncé il y a quelques semaines à Monza la fin de sa carrière à l'issue de cette saison. Il fêtera son 250e et dernier Grand Prix à Abu Dhabi le 27 novembre prochain, et c'est avec un nouveau train de pneumatiques qu'il va repartir, des pneus durs, et on n'a pas changé le museau de Felipe Massa alors qu'on s'y était visiblement préparé. Alors c'est reparti pour la Williams Mercedes de Massa qui évidemment va se retrouver très loin, à l'inverse de son équipier Valtteri Bottas qui est pour le moment 8e, donc dans le top 10. On rappelle que Romain Grosjean se maintient dans ce top 10, il est 10e pour le moment. En tout cas le leader c'est toujours Lewis Hamilton après 6 tours couverts, dont 2 tours sous régime de virtuel safety car à la suite de l'accrochage entre Sébastien Vettel, Verstappen et surtout Nico Rosberg. Hamilton leader devant Ricciardo et Verstappen, voilà le trio de tête de ce Grand Prix de Malaisie. Vous êtes bien sûr RMC, la radio de la Formule 1, plus que jamais. Vous restez avec nous. RMC, le Grand Prix de Malaisie. Carrefour. Val, tu sais qu'en ce moment, c'est la foire au vin chez Carrefour. Oh, tu fais bien d'en parler. On a 50% de remise immédiate sur la bouteille de champagne Montaudon, cuvée du fondateur, soit 13,50€ la bouteille. Ah oui ? Et en plus, tu peux découvrir la sélection de Paolo Basso, meilleur sommelier du monde 2013. Mais toi aussi, t'es la meilleure. En ce moment, c'est la foire au vin dans vos hypermarchés Carrefour. Par exemple, profitez de 50% de remise immédiate sur la bouteille de champagne Montaudon, cuvée du fondateur, soit 13,50€ la bouteille. 60 000 bouteilles disponibles. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Carrefour. RMC. Grand Prix de Malaisie, Jean Lecroix, Patrick Tambay, Louis Amar. Merci d'être avec nous sur RMC, la radio de la Formule 1. 7 tours ont été couverts dans ce Grand Prix de Malaisie à Sepang, après un départ extrêmement tumultueux. Louis, on rappelle qu'évidemment Vettel a perdu toutes ses chances à cette occasion, puisqu'il est venu percuter, semble-t-il, Verstappen, et surtout Nico Rosberg s'est entraîné l'abandon du pilote allemand. Il a abandonné effectivement Sébastien Vettel après même pas un virage, hein, finalement. Parce que il a causé du grabuge en venant percuter Max Verstappen, qui s'en est plaint ensuite dans sa radio en utilisant de jolis noms d'oiseaux. Lewis Hamilton, lui, est le grand vainqueur de ce départ parce qu'il a réussi son envol. Il est donc toujours leader de ce Grand Prix de Malaisie. Sébastien Vettel, là, on le voit à l'instant, hein, il est en train de regagner l'hospitalité de l'écurie Ferrari, accompagné de son attaché de presse, et sa mine est noire pour Vettel, alors que l'on revoit à l'instant ce qui s'est produit au départ. Voilà, c'est ça, hein, il a voulu prendre l'intérieur du virage, mais sa trajectoire a légèrement dévié. Il a heurté Nico Rosberg, il a heurté également Max Verstappen. Et Rosberg, dans tout cela, est pour l'instant 12e derrière Carlos Sainz, derrière Romain Grosjean. C'est une partie importante de la lutte pour le titre de champion du monde qui est peut-être en train de se dérouler ce matin en France. Absolument, Louis. Et on peut dire, avec tout le respect que l'on a évidemment pour Sébastien Vettel et ses 4 titres de champion du monde, là, franchement, Patrick, là aussi, je vais mouiller. Moi aussi, je l'aime bien. J'ai infiniment de respect. Ah non, il est totalement, totalement coupable. Ah bah oui, à 100%. 100% coupable. Oh, il y a Romain Grosjean qui est parti dans les graviers, messieurs. Ah là là. Ah oui. Il y a Romain Grosjean qui est parti, qui est sorti de la piste. Le français, c'est décidément encore un épisode des complications. Ah ouais, dans le bac à sable, c'était pas mal. Hein. Il était en bagarre avec Alonso, il était en bagarre avec Bottas. Il était là un peu limite. Hein. Ah oui, il était à la limite. Et virtual safety car. Ah oui, ça y est, c'est reparti. Virtual safety car dans ce 8e tour pour évacuer naturellement la monoplace, la Haas Ferrari de Romain Grosjean. Dommage. Vraiment un départ superbe. Lui, il avait bien profité, exploité la 7800. Voilà Romain qui évidemment quitte sans dommage le baquet de sa monoplace. J'ai l'impression qu'il y a une Mercedes au ralenti. Alors, à vérifier. Les pilotes sont en train de la doubler alors que je... À vérifier. Ah, qu'est-ce qu'il a eu ? Il a tiré tout droit. Il est sorti tout seul. Hein. Eh oui, ouais. Tout seul. Pas touché du tout. Un problème de frein peut-être. Hein. Parce que c'est très étonnant là. C'est au bout d'une ligne droite, effectivement, où il était certainement à près de 300 km/h. Eh bien voilà encore un Grand Prix à oublier pour Romain, qui s'était pourtant qualifié tout à fait honorablement. Hein. 12e rang pour Romain, qui, tu le rappelais tout à l'heure, Louis, devançait son équipier Esteban Gutiérrez pour la première fois depuis 8 Grands Prix. Eh bien, c'en est déjà terminé. Elle va être longue, hein, cette saison, Louis. Elle va être longue pour Romain Grosjean. Oui. Elle va être très longue pour Romain Grosjean, et je pense que tu as raison quand tu as évoqué un problème de frein sur la monoplace du français, parce que c'est un problème qui perdure depuis de nombreux grands prix pour lui, et c'est une des raisons pour lesquelles il se plaignait encore d'ailleurs du comportement de sa monoplace vendredi à l'issue de la 2e séance d'essai libre. Il ne comprenait pas d'où venaient les complications qu'il éprouvait, et la piste d'un problème de frein semble effectivement la plus plausible, alors qu'on revoit ce... On va l'écouter surtout, Romain Grosjean. Okay, the brakes break. Ah ben voilà, les freins ont lâché. Voilà, les freins ont lâché tout simplement. Je crois que c'est clair et ça pouvait être pas être autre chose, hein, parce que là, ça ne peut absolument pas, vu la manière dont ça s'est passé, être une erreur de pilotage, puisque Romain est arrivé au freinage du fameux virage numéro 15, le dernier virage de ce tracé qui a été, on vous l'a dit, resurfacé et qui a été redessiné avec un banking à l'envers, en quelque sorte une pente vers l'extérieur, un dévers vers l'extérieur, oui. Mais là, Patrick, pour le coup, hein, c'était vraiment en pleine zone de freinage et on repasse par la voie des stands, Verstappen et Sainz au stand maintenant, Louis. Verstappen est passé par la voie des stands, il est reparti avec un nouveau train de pneumatique soft. Les deux pilotes Red Bull, Ricardo et Verstappen, en avaient économisé un lors de la Q2 hier. C'est donc un train de soft neuf. Rosberg qu'on écoute. Keep an eye on my left front, I drove over some debris. Okay. So, get the delta positive first. I'm getting the positive. Reste positif, dit-on à Nico Rosberg qui est repassé lui aussi par la voie des stands et qui en ressort avec un train de pneumatique dur. C'est pas mal. Parce que l'ingénieur, il a raison, il essaie de leur gonfler, lui, allez, c'est pas fini, va. La course va être encore longue. C'est lui que j'ai vu au ralenti, alors. Et lui, il dit, bah oui, t'as raison, on va essayer de le garder. Non, mais il va revenir dans les points, évidemment. Alors, on a vu que Pérez également, lui, était repassé par la voie des stands, tout comme Nico Hülkenberg. Oui, Sergio Pérez, le Mexicain, et son équipier Nico Hülkenberg. Pour Pérez, ce sont les pneumatiques médium qui ont été passés. Lui qui était parti en pneus soft, hein, ceux avec lesquels il s'était qualifié en Q3 hier après-midi. Quant à Nico Hülkenberg, je n'ai pas vu quelle montre pneumatique alors, il avait choisi. Je vois, ce sont les médiums. À mon avis, ce sont les médiums. Pour Hülkenberg. Voilà, ce sont les médiums aussi pour Hülkenberg. Affirmatif. Ouais, à vérifier. Hein, voilà, Patrick. Et puis Button qui est avec les plus durs, avec les hard. Hein, si je ne m'abuse, et je ne pense pas m'abuser, sinon à qui se fier. Voilà. Ce sont bien les hard qui sont montés. Non, c'est important. On souligne aussi, Patrick, en termes de stratégie, que Bottas, qui est lui parti avec les médiums, donc les pneumatiques, on va dire moyennement durs, intermédiaires. Eh bien, Bottas est actuellement cinquième et ne s'est pas arrêté. Il ne s'est pas arrêté. Il est cinquième, mais c'est arrêté. Verstappen devant lui. Et qui d'autre encore derrière, ils sont nombreux à ne pas s'être arrêtés. Sainz, Ocon, septième, Louis, le pilote français, et Esteban Ocon, alors serait-il... Il ne s'est pas arrêté. Eh oui, après un départ canon, il est passé au travers des gouttes, Louis, il est septième. Il est septième, le pilote français. Ah, ça serait évidemment fabuleux s'il arrivait à conserver cette position-là, Esteban Ocon. On en est encore très très loin. Son équipier Pascal Wehrlein, avec qui la comparaison est scrutée hein, par les dirigeants d'à peu près toutes les écuries du paddock, et pour l'instant 17e. Mais lui est repassé par la voie des stands. Il a chaussé les pneumatiques les plus dures. Et deux abandons. On le rappelle, celui évidemment de Sébastien Vettel à l'issue du virage numéro 1 et l'accrochage assez violent avec Nico Rosberg. Il avait poussé Verstappen en dehors de la piste. Et puis Romain Grosjean, il y a un instant, c'est lui qui a entraîné cette neutralisation, ce virtuel safety car sur l'ensemble du tracé, parce que malheureusement il a eu une rupture de frein au bout de la ligne droite de retour, la ligne droite vers la ligne d'arrivée avant le virage numéro 15. Et je crois que ça va être reparti, Louis, maintenant. C'est reparti parce qu'il n'y avait pas beaucoup de débris de carbone sur la piste, et Nico Rosberg est en train d'entamer sa remontée. Nico Rosberg qui était 13e il y a un instant, mais qui vient de passer devant Felipe Nasser et qui désormais va s'attaquer à Jenson Button. Et oui, normalement, évidemment, avec l'engin dont il dispose, Patrick, qui heureusement n'a pas été lésé. Hein. Apparemment, les performances de la Mercedes sont bien là, alors que Hamilton, il a quand même un matelas pour le moment, avec notamment les deux Red Bull qui lui servent un petit peu de garde rapprochée derrière. Oui, c'est le seul danger qu'il puisse avoir. Hamilton avait à moins de rencontrer un problème technique, mais quand on voit comment Rosberg a dominé comment Hamilton a dominé aussi les courses précédentes lorsque tout va bien, on peut être tranquille pour lui. Je pense qu'il va gérer ça tranquillement. Ah oui, et puis on a la confirmation, Louis, je crois, du côté de la direction de course, qu'on va se pencher sur cette action un petit peu délibérée, un petit peu débridée de Sébastien Vettel, semble-t-il. Hein. Il y aura des pénalités sûrement qui vont tomber. Ouais. Investigation en cours en effet par les commissaires de course quant à ce qui s'est passé au premier virage, et Sébastien Vettel devrait être pénalisé. Eh oui, la freine est trop tard et à l'intérieur, et il en a emmené deux, quoi. Bah voilà. Mais ça peut avoir une influence sur le championnat du monde, effectivement, surtout pour Rosberg, qui a été évidemment privé, en tout cas dans ce début de course, hein, de toute chance de bien figurer. On rappelle qu'il y a 56 tours à parcourir de ce tracé long de 5 km 543. 11 tours ont été couverts par l'homme de tête, et ça tombe bien à l'instant, Patrick, qui signe le meilleur temps en course. Lewis Hamilton, bien sûr, devant. Oui, avec une 39 643 pour les esthètes. C'est la nouvelle référence de Lewis Hamilton qui est là avec 14 tours sur son train de pneus. Donc il est encore du, potentiel dans ses pneus. Ah oui, il y a encore du jus et surtout qu'il a repoussé pour le moment la Red Bull Renault la plus agressive, celle de Daniel Ricciardo qui est derrière à près de 3 secondes. Louis et Raikkonen évoluant maintenant au troisième rang devant Max Verstappen. Verstappen qui est repassé, semble-t-il, par les standards. Oui, il est repassé tout à l'heure à l'occasion de la Virtual Safety Car après la sortie de piste de Romain Grosjean. Max Verstappen qui a monté donc un nouveau train de pneus soft qui se retrouve à une dizaine de secondes de Kimi Raikkonen. Peut-être assistera-t-on à un nouvel épisode de la bataille entre les deux. Bataille qui fait rage depuis, souvenez-vous, le Grand Prix de Barcelone qui avait vu Max Verstappen remporter sa première et pour l'instant unique victoire en Formule 1. Et oui, puis Nico Rosberg qui poursuit évidemment sa remontée. Le voilà qui a pris l'avantage sur Julian Palmer. Évidemment, la modeste Renault de Palmer ne lui a pas permis une seconde de résister. Voilà Palmer hors des points et Nico Rosberg qui revient. Alors, problème d'appui sur la voiture de Kevin Magnussen, c'est ce qu'on lui dit et oui, à la radio. Kevin Magnussen, le pilote Renault qui est pour l'instant 20e, donc dernier, hein, encore en piste. On rappelle que Romain Grosjean et Sébastien Vettel ont dû abandonner. Et puis ensuite toujours les efforts d'Esteban Ocon avec sa modeste qui rentre dans les stands. Ah le voilà. Alors ok, on va le suivre. Là, il va trouver une place normale. Hein. Oui, bah Esteban Ocon qui rentre dans la voie des stands. On rappelle que son équipier Pascal Wehrlein y était passé tout à l'heure lui aussi durant la deuxième intervention de la voiture de sécurité virtuelle et Esteban Ocon va repartir comme son équipier avec les pneus durs. Alors ça c'est un élément important, ça veut dire qu'on va les envoyer, Patrick, longtemps sur la piste. Esteban Ocon qui avait vraiment réalisé un début de course absolument météorique, hein, tu l'as dit, au moment du départ il a profité de la confusion et gagné carrément 10 places, ce qui est tout à fait exceptionnel. Et puis au moment de l'autre aussi incident et de la voiture de sécurité, en restant dehors, il a gagné aussi des places. Maintenant ça va se remettre en place un petit peu, si j'ose dire, chacun va retrouver son terrain. Et oui, puis comme par et ses camarades de jeu. Il va se retrouver juste derrière Pascal Wehrlein, semble-t-il. Donc l'explication entre les deux hommes au 16e et 17e place n'est pas terminée du tout. On peut dire un mot, et un peu plus, Louis d'ailleurs, peut-être des McLaren Honda, parce que si Button a été un moment favorablement vu aux alentours de la 5-6e place, eh bien lui aussi il a rétrogradé. Il a des pneus durs, Button, hein, sur sa McLaren. Ouais, il est 11e pour l'instant, Jenson Button. Fernando Alonso n'est pas loin. Il est 13e. Il y a encore quelques espoirs de remonter hein, pour les pilotes McLaren. Fernando Alonso est équipé des pneus durs, tout comme Jenson Button. La radio de Ricardo. Hamilton pulling away slowly, and he's pulling away from Raikkonen a little bit. Alors effectivement l'ingénieur qui communique avec Daniel Ricciardo qui est maintenant à 13 secondes 6 et qui perd environ 5 dixièmes au tour sur Lewis Hamilton, mais c'est Verstappen hein, Patrick, c'est ce que tu voulais souligner certainement, Verstappen qui s'empare du meilleur tour en course. C'est ce que l'ingénieur australien je pense disait à Ricciardo, l'autre. Et ils ont toujours été très difficiles à comprendre hein, à la radio. Je suis comme toi. Ils mangent la moitié des mots. D'accord. J'ai pas tout saisi. Ils donnaient à Ricciardo des informations comme quoi Verstappen était en train de mettre le feu. Absolument. Et Verstappen, il a une belle stratégie dans cette course. Et on l'a souligné il y a un instant, mais on va insister dessus. Puisque lui, parmi les 7 hommes qui figurent au commandement de ce Grand Prix, Hamilton, Ricciardo, Raikkonen, Verstappen 4e, donc Bottas, Sainz et Ericsson, eh bien c'est le seul à être passé par la voie des stands. Et il est rapide, Patrick. Il est très rapide. Verstappen qui n'est qu'à 16 secondes 6 maintenant de Lewis Hamilton. Oui. On a joué un très très beau coup. Il faut surveiller cet écart. Il faut surveiller cet écart et voir diminuer parce que il est en vert dans le secteur 1. Secteur 2, c'est pas terrible. Le 3 non plus. Mais il est en train de se caler. Oui, ça va être une stratégie décalée alors que on va voir que du côté d'Esteban Ocon, c'est ce que je regardais, eh bien il est il était dans son tour de lancement. On n'a pas encore le rythme hein, Louis, par rapport à Wehrlein qui va le précéder sur la piste. Pas encore, on a une indication quand même sur sur le premier secteur à l'instant et Esteban Ocon a gagné un dixième sur le premier secteur par rapport à Pascal Wehrlein. Il a perdu à l'instant cette avance dans le deuxième secteur, donc il tourne sensiblement dans les mêmes eaux. Allez, ils viennent de changer de pneumatique. On rappelle qu'on a monté les pneumatiques les plus dures aux pilotes de la Manor, donc ça veut dire qu'on va les emmener très très loin dans ce Grand Prix, peut-être le plus loin possible maintenant s'il n'y a pas trop de dégradation. Et il y a du vert pour Bottas notamment, Bottas qui est cinquième et qui a amélioré son temps personnel, mais il est quand même loin des chronos réalisés par Verstappen. Il a raison de s'affoler, Bottas, parce que derrière lui il y a Carlos Sainz. Carlos Sainz qui revient sur les trousses du Finlandais, qui revient aux trousses pardon du Finlandais. Il est effectivement à un petit peu plus d'une seconde désormais de Valtteri Bottas. Valtteri Bottas, tu comparais son temps à celui de Max Verstappen, il a tourné quasiment 3 secondes moins vite que le Néerlandais. Un mot sur Esteban Ocon, parce qu'une investigation est ouverte contre lui. Il a, semble-t-il, été trop vite dans la voie des stands au moment de son arrêt. Ah, quel dommage. Donc on va voir si cela va donner lieu à une pénalité, mais ça serait un vrai coup dur pour le Français. Hein. Ah oui, quel dommage. Et oui, bien sûr, peut-être le limiteur qui n'a pas fonctionné comme il fallait. En tout cas, ça va peut-être se traduire par 5 ou 10 secondes, j'espère, lors du prochain arrêt. Je dis j'espère parce que ce serait pas trop cher payé, en fonction évidemment de l'excès de vitesse réalisé par Esteban Ocon. Le classement, Louis, de ce Grand Prix de Malaisie, le 16e de la saison 2016, après un départ tumultueux, nous l'avons dit. Tumultueux pour tout le monde, sauf pour Lewis Hamilton, qui était parti en pole position et qui est toujours leader après 15 tours couverts dans ce Grand Prix de Malaisie. Devant Daniel Ricciardo, il a quasiment 5 secondes d'avance, le Britannique, sur le premier des deux pilotes Red Bull. Kimi Raikkonen est lui 3e, à une dizaine de secondes de Lewis Hamilton, à 5 secondes de Daniel Ricciardo. Max Verstappen est en 4e position. Il est à un petit peu plus de 6 secondes de Kimi Raikkonen, un petit peu plus de 16 de Lewis Hamilton. Valtteri Bottas est 5e, Carlos Sainz 6e, Marcus Ericsson 7e, Nico Rosberg 8e, Sergio Perez 9e, Jenson Button est 10e, Esteban Ocon est pour l'instant 17e. Deux pilotes ont abandonné, Sébastien Vettel et Romain Grosjean. Et à suivre évidemment la remontée de Nico Rosberg, qui s'est retrouvé très très loin dans le peloton après ce contact avec Vettel dans le premier virage, et qui est en train d'effectuer une remontée météorique littéralement, puisque Nico Rosberg vient de se défaire de Sergio Perez. Il est maintenant 8e de ce Grand Prix de Malaisie. Vous êtes sur RMC, plus que jamais la radio de la Formule 1. Vous restez avec nous. RMC, le Grand Prix de Malaisie. Retrouvez tous les shows d'RMC en podcast sur rmc.fr. Dimanche 13 novembre, entrez dans la légende du marathon des Alpes-Maritimes, Nice-Cannes avec RMC. Le plus grand marathon de France après Paris. Un parcours unique au bord de mer et trois formules pour tous les niveaux. Informations et inscriptions sur www.marathon06.com. Le marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes, dimanche 13 novembre avec RMC. À l'occasion de la sortie au cinéma de Snowden, RMC vous invite à l'avant-première officielle du film. Les Américains ne rêvent pas d'être libres. Ce qu'ils veulent, c'est la sécurité. Coupable ou innocent? Ils nous surveillent? Nous sommes tous sur écoute. La NSA a placé sous surveillance tous les portables du monde. Pour gagner votre passe VIP, envoyez tout de suite VIP par SMS au 73216. 65 centimes par envoi, plus prix du SMS, de SMS maxi. Snowden, le nouveau film d'Oliver Stone. Au cinéma le 1er novembre avec RMC. RMC, le dimanche soir, c'est le RMC Poker Show. Tous les dimanches minuit, retrouvez le RMC Poker Show avec Winamax. Les plus grands tournois, les anecdotes, les conseils avec Daniel Riolo et Moundir. Le poker dans tous ses coups, c'est le RMC Poker Show. Ce soir, dès minuit sur RMC. RMC Poker Show avec Winamax, site de poker en ligne. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RMC présente la 8e édition des trophées PME Bougeons-nous. Près de 900 PME concourent pour remporter 100 000 euros d'espace publicitaire sur RMC. Le palmarès national des trophées PME Bougeons-nous sera dévoilé le 18 octobre à Paris. Ensemble, bougeons-nous. Retrouvez les trophées PME Bougeons-nous sur RMC avec Apicil, partenaire du bien-être en entreprise. RMC Running. Samedi 15 octobre, les RMC Running Sessions sont à Lyon avec New Balance. Initiez-vous à la pratique du running avec la championne du monde du 4x100 mètres, Muriel Urti. Inscription sur la page Facebook RMC Running. Initiez-vous au running à l'occasion des RMC Running Sessions avec New Balance. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 7-32-16. 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. Le modèle de l'automobile de Paris, c'est en ce moment et c'est le rendez-vous de tous les passionnés. À cette occasion, Renault vous accueille sur son stand et sur le hashtag Renault Live pour vivre avec vous une quinzaine inoubliable. Rendez-vous tout à l'heure à partir de 16h sur le stand Renault avec comme invité Michel Larocque. Ne manquez rien de cet événement et suivez-le aussi sur le hashtag Renault Live. RMC, Grand Prix de Malaisie, Jean Lecroix, Patrick Tambay, Louis Amar. 17 tours ont été couverts dans ce Grand Prix de Malaisie, toujours mené depuis les premiers mètres par Lewis Hamilton, le poleman, auteur d'un départ canon, ce qui lui a permis de se mettre à l'abri de la confusion derrière, parce qu'on va en parler longtemps évidemment, de cet accrochage qui a mis aux prises Sébastien Vettel, qui avait réalisé un départ vraiment canon et qui a tenté un freinage limite, qui a malheureusement coûté très cher, non seulement à Verstappen, mais lui s'est refait, mais surtout à Nico Rosberg, repoussé dans les profondeurs de ce classement et en pleine remontée maintenant. Ricardo est donc deuxième deuxième à près de 6 secondes maintenant de Lewis Hamilton. Kimi Raikkonen est troisième, mais on l'a dit, Patrick, l'intérêt c'est Verstappen, Max Verstappen, qui a chaussé des pneumatiques frais et qui est actuellement quatrième à moins de 16 secondes du leader. Il faut les surveiller, ces deux pilotes Red Bull, de Ricciardo et de Verstappen, parce qu'il faudra rendre à César ce qui lui appartient. Oui. C'est grâce au nouveau et l'évolution du moteur Renault que on voit peut-être les Red Bull si bien placés et les progrès entre guillemets des Renault. Absolument, Patrick. Et puis, on soulignera la stratégie décalée également de Valtteri Bottas. Oui, Valtteri Bottas qui est actuellement cinquième et qui était parti en pneu médium après des essais relativement moyens finalement. Il était onzième sur la grille, Valtteri. Mais il profite évidemment du fait que lui n'est pas repassé par vos stands. Et voilà, maintenant on a un des pilotes Renault, c'est Magnussen, je crois, dans les stands, Louis. Kevin Magnussen pour son deuxième passage par la voie des stands, absolument. Kevin Magnussen qui est en train de s'immobiliser. Il arrive très très lentement, Kevin Magnussen, dans la voie des stands. Il était équipé. Oula, ouais, oui. Il y a un problème là, problème. Oui, je pense que ça va être terminé là pour Kevin Magnussen, vu la vitesse à laquelle il est arrivé, vu ce que ses mécaniciens sont en train de faire sur sa monoplace. Il abandonne, Kevin Magnussen. Voilà, c'est le troisième pilote à quitter la course avant son terme, après Sébastien Vettel et Romain Grosjean. Deux informations, messieurs. 5 secondes de pénalité pour Esteban Ocon pour être allé trop vite dans la voie des stands. C'est ce que l'on craignait, même s'il semblerait que ce soit un moindre mal pour le jeune pilote français. 5 secondes donc à purger tout à l'heure lors de son prochain arrêt. Et puis Sébastien Vettel, donc, qui a abandonné tout à l'heure après un accrochage au premier virage. Il s'est déjà exprimé auprès de nos confrères en zone mixte, et visiblement il a plutôt chargé Max Verstappen dans son argumentaire. Alors, Max Verstappen et Sébastien Vettel qui ne partiront donc pas en vacances ensemble cet hiver, ça je peux vous le dire, parce qu'effectivement moi je ne vais pas avec Verstappen en vacances. Non, moi non plus. Allez, on va attendre effectivement le verdict, en tout cas de la direction de course, après cet accrochage entre les deux hommes. Bon, c'est sûr que Verstappen n'a pas dû lui faciliter la tâche, mais bon, il a quand même été tout seul ramasser Nico Rosberg. On verra, c'est pas à nous de jouer évidemment les arbitres, alors qu'on a vu que Gviat avec une des Renault, ça a été chaud dans le paquet, Louis. Oula, très chaud. Oui, ouais. C'est sans doute là la cause de l'abandon de Kevin Magnussen, parce que dans le premier tour, Gviat a heurté l'arrière de la monoplace de Kevin Magnussen. Il était repassé lors de la première intervention de la voiture de sécurité par la voie des stands, mais il n'a pas pu poursuivre ce Grand Prix. Il le quitte donc avant d'en atteindre la moitié. Oui, et puis Daniil Gviat, lui, il est 15e pour le moment, avec des pneumatiques hard, effectivement, des pneumatiques les plus dures, qu'il a montées sur sa monoplace. Alors, un élément important également, Patrick, c'est que Nico Rosberg, lors de son arrêt, a bien monté les pneumatiques les plus dures également sur sa Mercedes. Il est actuellement 6e, Nico Rosberg, et il est en vert, ça veut dire qu'il améliore ses performances. Rouge, flanc rouge. Ouais. Avec 9 tours au compteur sur ce train de pneus. Ouais. Et il est en vert de partout. Et il va aller loin, donc ça veut dire qu'il va aller loin. Il est détenteur du meilleur partiel dans le premier secteur. Et ça veut dire qu'effectivement, là, on a choisi une stratégie également décalée, une stratégie différente, lui, qui peut permettre d'emmener, a priori, Rosberg plus loin que ses adversaires. Ah, on est capable de le remettre sur le podium ou pas loin, hein, Louis? Ah oui. Ah oui. Oui, il l'avait dit, Nico Rosberg, d'ailleurs, à l'issue des premières séances d'essais libres. Il avait tenté des longs relais à la fois avec les pneus durs et avec les pneus médiums. Ouais. Il avait dit qu'il n'y avait pas tant de différence que ça. Donc, il tente un très long relais avec les pneus durs pour espérer profiter des arrêts des autres pour se hisser sur le podium. Pour votre plus grand plaisir, messieurs, dames, le retour de la bagarre entre Kimi Raikkonen et Max Verstappen. Cette bagarre, elle concerne la troisième place. Elle promet beaucoup. Verstappen est aux trousses de Kimi Raikkonen. Il va essayer de le prendre. Il est à moins d'une seconde de Kimi Raikkonen. Il va donc pouvoir actionner son DRS lors de la prochaine zone de DRS. À cette bagarre, elle nous fait tous saliver parce qu'elle a été éclatante, explosive depuis le début de la saison. C'était au Grand Prix de Barcelone, c'était au Grand Prix de Hongrie, c'était au Grand Prix de Belgique, bref, à peu près partout dans chaque destination de la Formule 1, c'est de là se cherche. Et Verstappen est en train d'attaquer Kimi Raikkonen sur le côté gauche. Il s'est décalé, va-t-il réussir à prendre le meilleur sur le Finlandais à l'intérieur du virage? Pour l'instant, il n'y parvient pas parce que Raikkonen repasse par la voie des stands. Il a préféré fuir le combat. Sûr. Ah, le lâche. Bien sûr, bien et Hamilton est passé au stand. Hamilton est passé au stand et ressort avec les pneus durs. Alors ça c'est important évidemment, alors qu'on suivait la bagarre entre Kimi Raikkonen et Max Verstappen, les deux meilleurs ennemis du plateau de la Formule 1, et eh bien le leader Lewis Hamilton repassé par la voie des stands. Ça, c'est... aussi. Oui, alors ça c'est un élément important. Le meilleur ennemi. Raikkonen. Raikkonen en dur également. Raikkonen en dur. Alors, Verstappen et voit rouge. Alors, et Lewis Hamilton, donc nous l'avons dit, pneumatique dure. Une stratégie identique à celle adoptée par Nico Rosberg à l'issue de cette première vague d'arrêt. Évidemment, c'est Daniel Ricciardo, le pilote australien de Red Bull Renault, qui prend le commandement de ce Grand Prix, Louis. Oui, il est en tête après 20 tours couverts pour l'instant, Daniel Ricciardo, devant son équipier Max Verstappen, qui lui s'est arrêté une fois pour monter les pneumatiques soft, les plus tendres. Lewis Hamilton est lui troisième après son arrêt, Kimi Raikkonen quatrième, et Nico Rosberg a dépassé Valtteri Bottas, il est désormais cinquième à moins d'une seconde de Kimi Raikkonen. Et oui, et puis on a vu également que Carlos Sainz est repassé par la voie des stands il y a un instant. Carlos Sainz a monté les pneumatiques les plus dures également. Lui aussi, on va essayer d'emmener, finalement, on va avoir beaucoup de pilotes en dur, hein, Patrick, pour le moment. On a Hamilton, Raikkonen, Rosberg, Button, Alonso, Palmer, enfin bref, presque. Ça peut fonctionner le mieux. Ben oui, et oui, Patrick, c'est ce qu'on évoquait il y a un instant, hein. Pendant les longs runs, comme on dit, eh bien, on a pu tester que les pneumatiques les plus dures emmenées par Pirelli sur ce tracé de Malaisie sont finalement les plus performants, les plus constants, on va dire. Oui. C'est dû à la température extérieure, c'est dû au nouveau revêtement qui est peut-être un petit peu moins abrasif, oui. Mais qui vient compenser ce manque de grippe par autre chose. Pardon Patrick, Ricciardo au stand, Louis. Ricciardo au stand. C'est son premier arrêt pour Daniel Ricciardo. Il était parti en pneus soft et il va repartir comme les autres avec les pneus durs. Ce qui veut dire que dans le paquet de tête, il n'y a, si je ne me trompe pas, que Max Verstappen et Kimi Raikkonen qui sont encore équipés de pneumatiques tendres. Absolument. Et Verstappen, nous l'avons dit, une très belle stratégie, d'autant plus belle qu'il est en tête de ce Grand Prix-là, si je ne m'abuse. Hein. A priori, oui, il est en tête avec 8 secondes d'avance sur Lewis Hamilton qui vient, lui, de repasser par la voie des stands et qui était donc le leader depuis le départ. Ça veut dire que là, on rappelle qu'il y a 56 tours à parcourir. On va franchir d'ici 5-6 tours la moitié de ce Grand Prix. Eh bien, on peut dire... Ah, Hamilton, voilà, ça y est, il a senti maintenant. Là, il sent évidemment l'odeur âcre du combat. Hamilton qui signe le meilleur chrono dans le premier secteur, Louis. 25-0-35 pour Lewis Hamilton qui va donc partir à la chasse de Max Verstappen, leader provisoire de ce Grand Prix de Malaisie. La stratégie décalée de Max Verstappen, la stratégie décalée également de Marcus Ericsson qui vient de passer par la voie des stands, oui. Le pilote sauveur, et qui en est ressorti avec des pneumatiques soft. Oui, mais moi celui qui m'impressionne vraiment, bon, il y a Verstappen avec ses pneumatiques soft, nous l'avons dit, qu'il a chaussé tout à l'heure dans le 9e tour à la faveur du virtuel safety car. Eh bien Verstappen, pour le moment, s'il peut tenir un petit peu la dragée route à Lewis Hamilton, on va voir à la fin ce qui va se passer, mais il est en mesure lui aussi d'avoir une très très belle stratégie avec sûrement un seul arrêt. On va voir si c'est le cas de la majorité de ses adversaires, mais Patrick, ça va être long, hein, notamment pour Hamilton, pour Ricciardo, d'emmener les pneumatiques les plus dures jusqu'à l'arrivée de ce Grand Prix. Oui, d'ailleurs on l'a calculé chez Mercedes et, ouais. et chez Red Bull aussi, et on vient de lui dire, il y a Verstappen, il faut que tu augmentes un petit peu le rythme. Mais oui, parce que 1.39.8 au dernier tour contre 1.39.473 pour Lewis Hamilton, Louis, ça veut dire qu'évidemment, logiquement, même s'il y a un tout petit peu moins de 8 secondes d'écart entre les deux hommes, tôt ou tard, a priori Hamilton, avec un train de pneumatiques les plus durs, on le rappelle, mais tout neuf, devrait remonter sur le leader de ce Grand Prix, Verstappen. Eh oui, parce que Max Verstappen, ses pneus commencent à avoir quelques tours dans les pattes. Hein. Ses pneus soft, il les a chaussés au 10e tour. On approche donc la 15e de tours avec ses pneumatiques qui sont plus performants, mais nécessairement moins endurants. Et donc, il faut voir la remontée de Lewis Hamilton qui enchaîne les bons chronos et qui vient encore d'être 2 dixièmes plus vite que Max Verstappen dans le premier secteur à l'instant. Alors, la stratégie de Verstappen, Patrick, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais elle va être simple. C'est effectivement de maintenir en vie ce train de pneumatiques soft le plus longtemps possible, sans perdre trop de temps, évidemment, sur Hamilton et Ricciardo et Raikkonen derrière lui, et puis ensuite lui aussi va chausser les pneumatiques les plus durs, et évidemment il va essayer de les emmener à l'arrivée. Hamilton, hein, revient en contact et, voilà. Et il va passer vers les stands. Là il a 8 secondes de 8 secondes de retard et il est en train de faire fondre cet écart. En tout cas, oui, il y a un beau jeu de stratégie là encore. Je sais pas si on va retrouver Verstappen et Raikkonen ensemble, mais ce serait une bonne nouvelle. Raikkonen, il est pour le moment 4e à 25 secondes de Verstappen. Bah, si c'est à peu près le temps d'un arrêt, avec la remise en route, hein. On peut avoir une belle tranche encore, hein. C'est de là, il faut qu'ils montent un spectacle. Ah oui, oui, oui. On les oui. adore. Ah oui, ça, c'est vraiment, c'est vraiment les joyeux duettistes. Dès qu'on les voit, on s'en pourlèche les babines. On était un peu privé de dessert, là, en voyant Raikkonen rentrer au stand immédiatement. Mais bon, ils vont se retrouver. Allez, statistiquement, on y croit. En tout cas, Lewis Hamilton, lui, maintient un rythme qui lui permet de récupérer 3 à 4. Radio Fernando Alonso. Alors, il est où, Alonso? Il est 10e. Qui se plaint d'une trop forte dégradation de sa monte pneumatique. Fernando Alonso, il est 10e pour l'instant. Ouais, et on rappelle qu'il est parti dernier, carrément. Enfin, dans le dernier, c'était Bassa, hein, parce qu'il est parti depuis la voie des stands. Mais Alonso, avec ses 45 places de pénalité, on va en sourire, comme d'habitude. Eh bien, Alonso est quand même remonté dans les points. Il est 10e, avec des pneumatiques les plus dures. Ça a été un des premiers, hein, Patrick, à les chausser. C'était au 9e tour. Lors c'est un des projets du changement de réglementation pour l'année prochaine. C'est de ne plus pénaliser les pilotes qui auraient ce genre de soucis et qui joueraient avec cette pénalité pour changer de moteur, mais avoir des moteurs frais. Il faudra faire des modifications sur le moteur qu'ils vont sortir de la voiture et repartir avec celui-ci, je crois. Oh, oui. Louis, c'est pas un truc comme ça? Oui, oui. Si, il me semble que c'est ça, Patrick. Là, je t'avoue que j'ai pas le nouveau règlement sous les yeux, mais on l'aura pour la semaine prochaine. c'est à peu près ce que tu dis, Patrick. Moi aussi, j'ai lu ça rapidement. C'était compliqué, hein. Oui, et puis j'ai lu plusieurs fois. Oui, et puis voilà. Puis je vais te dire, les trucs réglementaires comme ça, moi, ça me gonfle tellement que on verra ça plus tard. Tu préfères le championnat 26 Grands Prix, oui, comme demande Liberty. Le nouvel actionnaire de la Formule 1, il demande 26 Grands Prix. Eh ben, pourquoi pas. Discours NASCAR, l'américain. Un week-end sur deux, t'auras carrément une course de Formule 1. Allez, ouais. Hamilton qui vient de pulvériser le record du tour, Louis, parce que là, ça y est, il a lancé l'artillerie lourde et là, il a repris presque une seconde. Hein, Verstappen, toujours leader de ce Grand Prix de Malaisie, après 24 tours, Louis. 1:39.186. Ouais. Voilà pour le meilleur tour en course. Il est entre les mains de Lewis Hamilton. Une seconde plus vite en effet sur le dernier tour que Max Verstappen. Il est sous la barre des 7 secondes derrière le leader provisoire de ce Grand Prix. Un mot quand même, parce qu'on a dépassé la moitié de cette course malaisienne, du classement général provisoire du championnat du monde. Pour l'instant, si les positions restaient figées, Hamilton 2e, Rosberg 5e, les deux Mercedes seraient à égalité de points en tête du classement. Eh ben, elle est pas belle la vie. Il est pas beau le scénario. Bon, ça va sûrement pas rester comme ça, hein. Déjà parce que Lewis Hamilton cravache comme une bête là pour remonter sur Max Verstappen, évidemment, avec, on le rappelle, des montes pneumatiques différentes. Verstappen qui lui essaie de faire vivre encore ses pneumatiques soft, son deuxième train de soft le plus longtemps possible, et puis Hamilton qui à l'inverse lui vient de chausser des pneumatiques dures. Et c'est la différence avec Ricardo, Patrick, peut-être, qui nous intéresse, et avec Raikkonen, puisqu'on a la même monte pneumatique et on voit bien que pour le moment la Mercedes d'Hamilton en deuxième position, Patrick, est plus rapide que la Red Bull Renault de Ricciardo et la Ferrari de Raikkonen. Oui, avec un record du tour et un meilleur partiel qui lui permet d'avoir un intervalle qui continue à fondre entre lui et le leader. Eh oui. On oscille toujours selon les zones. Ça se stabilise maintenant. Ouais. 6 secondes 8, 6 secondes 9, 7 secondes. Enfin, Verstappen se défend bien. Hein. Il a du talent pour le faire vivre. Ouais. Il faut dire que Hamilton a dû être un peu gêné par le dépassement de pilotes retardés. Allez, un petit classement de ce Grand Prix après 25 tours couverts sur les 56 que va compter ce Grand Prix de Malaisie. 16e épreuve du championnat du monde de Formule 1, Louis. Il est formidablement ouvert, ce Grand Prix de Malaisie. Max Verstappen en est pour l'instant le leader. 7 secondes quasiment d'avance sur Lewis Hamilton. Deuxième devant Daniel Ricciardo, le deuxième pilote Red Bull, Kimi Raikkonen. Et lui, quatrième, à 9 secondes de Ricciardo et à 25 secondes de la tête de course. Nico Rosberg est pour l'instant cinquième. Valtteri Bottas, sixième. Sergio Perez et septième. Jenson Button, huitième. Nico Hülkenberg, neuvième. Fernando Alonso, dixième. Esteban Ocon est pour l'instant 17e. Trois pilotes ont abandonné. Vettel, Grosjean, Magnussen. Oui, Esteban Ocon, on observe ce qu'il fait par rapport à son équipier Wehrlein. Eh bien, il est bien, hein, Patrick, parce qu'on est dans les mêmes temps. Une 43-306 pour Wehrlein au dernier tour. Une 43-232 pour Ocon. Il y a 3 secondes 7 d'écart entre les deux hommes. C'est juste un petit peu dommage, Patrick, qu'effectivement, Esteban, qui a figuré au 7e rang de ce Grand Prix, à la faveur, évidemment, des arrêts et des problèmes qu'il y a eu devant. Mais c'est dommage qu'Esteban n'ait pas pu préserver cette position remarquable. Et il s'est retrouvé avec des gros bras. Hein, il s'est retrouvé avec des gars qui avaient entre les mains des monoplaces, un équipement plus performant, et donc il est rétrogradé progressivement à la place qui était la place de la voiture. C'est évident. Tu as raison, Patrick. Il fait ce qu'il peut, mais j'aurais bien aimé qu'il reste devant Verlaine, évidemment, comme tout le monde. Verlaine, oui, Verlaine. Ah, oui. Et Verlaine, c'est le même problème pour lui, tu sais. Il ne peut pas non plus passer pour. Parce qu'il ne l'est pas, donc il a un statut à tenir, donc lui il a tout intérêt aussi à essayer d'être devant son coéquipier. Évidemment, et voilà Lewis Hamilton. Alors, radio d'Hamilton, ouais. Que l'on informe de la stratégie de Max Verstappen. Absolument. Donc, au cours de son 16e tour sur son train de pneumatique soft. Ils vont pas tarder à pêcher un peu là ces pneumatiques soft. Oui, exactement. On est au-dessus des 1,40 maintenant, 1,40, 176 pour être précis au dernier tour. C'est dire que là, Lewis est en train de reprendre 6-7 dixièmes maintenant. C'est plus 2-3-4. Hein. C'est beaucoup plus. Ça veut dire que chez Red Bull Renault également, Patrick, les stratèges doivent se pencher sur le cas. On va atteindre le cap de la mi-course. On l'a dit, à tous les coups, on va monter les pneumatiques hard évidemment sur la Red Bull Renault, Patrick. Mais il faudra les faire vivre jusqu'au bout. Il faudra les faire vivre jusqu'au bout. Eh oui, tout le monde était sur le pont là, les ingénieurs châssis, aéro, les pneumatiques et les moteurs. Et Verstappen qui a déjà, on vous l'a dit, inscrit une victoire à son compteur, c'était lors d'un Grand Prix de Barcelone. Mais évidemment, quelque part, il n'y avait plus les deux Mercedes qui s'étaient accrochés, vous le savez, à la sortie du virage numéro 3, ce qui avait éliminé évidemment les deux leaders, ceux qui écrasent évidemment le championnat du monde. Mais là, une victoire ici, Louis, évidemment. Allez, on va commencer à en parler, ça aurait une autre saveur, hein, la bagarre avec Hamilton, même si évidemment Rosberg a été retardé. Ça aurait même une autre gueule, on peut le dire, pour Max Verstappen, c'est vrai. Je pense que la saison prochaine, que sa victoire à Barcelone, même s'il avait tenu la dragée haute à un champion du monde, hein, Kimi Raikkonen, avait été en quelque sorte entaché, amputé par l'absence des Mercedes. Verstappen au stand. Louis, Verstappen au stand. Justement, le voilà, Max Verstappen qui entre dans la voie des stands. Il était sur son 17e tour avec son train de pneumatique soft et il va repartir avec les plus durs comme l'on pouvait s'y attendre. Bah tiens, Verstappen. L'équipe lui dit, il a des petits problèmes. Pas à lui, mais enfin à Hamilton. Et c'est le moment qu'il choisit pour rentrer. C'est pas parfait. Mal, c'est pas mal vu. Hein. Avant que les performances ne s'effondrent, on sait que parfois une victoire, Patrick, ça tient à un ou deux tours et près. Là, hein. Dans la bande des stands, on est là-bas au fond, dans le virage. Dernier virage vient de sortir Hamilton, je pense. Il sera en tête, non? Et Raikkonen, il est derrière. Raikkonen, c'est lui qui est juste derrière Verstappen. Oh, il y a une quinzaine de mètres d'écart, Louis. Les voilà, les Lascar. Ouais, on va se régaler, le merveille. Verstappen va se tirer, tu vas voir. Il est parti maintenant avec des pneus frais. Allons-y au stand, messieurs. Allez, on y va. Allons-y au stand avec toi, Louis. Fernando Alonso qui se plaignait il y a quelques minutes dans sa radio de la trop forte dégradation de ses pneumatiques durs. Il est actuellement dans la voie des stands, le pilote McLaren Honda. Il était donc avec les pneumatiques les plus durs. Il va en repartir avec les plus tendres, Fernando Alonso. Ah, carrément. Alors ça, c'est audacieux. Hein. On lui met les softs. Ouais, hein, qui fait les essais. On lui... Mais oui, c'est vrai. On lui met les softs. Alors ça, c'est intéressant, effectivement. Parce que je ne sais pas si on peut emmener ça jusqu'à l'arrivée de ce Grand Prix. Là, quand même, ça ferait 28-29 tours à parcourir. On va voir. Hein. C'est qu'elle est sacrément constante, la McLaren, qu'elle a un châssis. On le sait, elle a un très bon châssis, hein, quand même, Patrick. Bah, ça a toujours été. C'est la référence. Bon, c'est ce qui se dit. Hein. Donc oui. Maintenant pour... On n'est pas au volant, malheureusement. Mais on le sait, effectivement, a priori. Puis on peut faire confiance à Fernando Alonso. Oui, surtout. Même si ça date, hein, mais ça fait quand même deux titres de champion du monde consécutifs en 2005 et 2006 pour le taureau des Asturies. Allez, on va regarder ce qui se passe devant. Et devant, évidemment, c'est Lewis Hamilton qui a repris le commandement de ce Grand Prix depuis l'arrêt de Verstappen. Mais on va observer les temps que sont capables de réaliser les deux compères de Red Bull Renault, Louis, dès que Verstappen sera remonté en puissance. Donc pour le moment, le trio, c'est Hamilton, Ricciardo et Verstappen. Verstappen avec des pneus tout frais. L'écart qu'il est en train de réduire sur Ricciardo, d'ailleurs. Yes, sir. Il était dans son tour de sortie, Max Verstappen. Donc son temps de 1,58-259 est à ne pas prendre en compte. Kimi Raikkonen est lui quatrième à 3 secondes et demie de Max Verstappen. Donc la bagarre va se poursuivre. Nico Hülkenberg entre à l'instant dans la voie des stands. Il était 9e avant de s'arrêter, Nico Hülkenberg. Il était en pneumatique médium, l'allemand de l'écurie Force India, au sujet duquel le doute plane toujours quant à son avenir la saison prochaine. Et il va repartir avec des pneus durs, Nico Hülkenberg. Est-ce qu'il va écouter les sirènes du losange? On lui montre les pneus hard, les plus durs, effectivement. Tiens, j'ai eu une petite conversation avec Cyril Abitboul, là, à l'occasion du Mondial de l'Auto. On a échangé courtoisement. Je vais pas trahir de secret et pas jouer les mystérieux. Mais bon, il m'a juste dit qu'effectivement, le choix des pilotes serait effectué normalement dans la deuxième quinzaine d'octobre. Voilà quand même une information. Et qu'effectivement. Si vous voulez. Il a dit ce qu'il voulait, tu as raison Patrick. Et puis que au niveau des recrutements techniques, si tu vois ce que je veux dire, j'ai pas cité le nom, je lui ai dit il y a un homme en rouge qui est en train de cultiver son jardin en Grande-Bretagne, pas très loin de chez vous. Ça, intéressant. Alors nous on va mettre le nom, c'est James Allison évidemment. Est-ce que par hasard il t'intéresse? Il a eu un petit sourire. Bon, ben on va voir. Écoutez, là aussi c'est un secret pour personne. On imagine qu'évidemment attirer James Allison qui a été directeur technique chez Ferrari après quelques mois de vacances à cultiver son jardin au sein de cette équipe Renault, bah, ce serait pas mal. Quelles sont ses options, Allison? Je sais pas s'il y en a beaucoup d'autres là, sincèrement. Enfin, dans les belles équipes avec un peu de moyens. Ouais. Alors, évidemment, on doit le vouloir partout, peut-être, Patrick. Là, voilà. Ah oui, ça, c'est sûr qu'il est courtisé. Ça, c'est évident. C'est évident qu'il est courtisé. Bon, en tout cas, chez Renault, on devrait avoir des nouvelles, on l'espère, avant la fin du mois d'octobre. Et c'est le calibre qu'il lui faut, alors, à cette équipe. Et oui. Alors, la fin du mois d'octobre, on va oublier naturellement le Japon, hein, la semaine prochaine. Alors que voilà, repasser par les stands, c'est Bottas. Autant pour moi, bien sûr. Valtteri Bottas, il est passé par la voie des stands et il en ressort avec les pneumatiques les plus dures, Valtteri Bottas, comme l'écrasante majorité des pilotes encore en course dans ce Grand Prix. Et oui, avec ces pneumatiques donc qui fonctionnent apparemment, Patrick, très bien, de manière constante sur ce tracé resurfacé, nous l'avons dit, de Sepang en Malaisie. Un tracé que les pilotes, au niveau, en tout cas, de la suppression des bosses, adorent. Hein, vraiment, on voit que les monoplaces sont réglées très basses. Au freinage, souvenez-vous, c'était épouvantable. Jusqu'à faire casser les montures de museau avant, on a vu les ailerons se casser sur les bosses. Et les pilotes partir tout droit dans le freinage. Tiens, je crois qu'on a les deux hommes de chez Sauber qui sont ensemble, semble-t-il, sur la piste. Alors, on n'est pas très loin des points. Hein. Ericsson est 11e pour le moment. On sait que cette équipe Sauber, elle est à la quête désespérée de son premier point dans le classement général du championnat du monde en termes de constructeurs. Et Hamilton, ça y est, il en met une couche là. Il a sorti la grosse artillerie là, Louis. 1:38.941, record du tour pour Lewis Hamilton. Voilà. Alors qu'il y a un pilote qui va actuellement entrer dans la voie des stands. Il me semble que c'est Daniil Kvyat, le pilote de l'écurie Toro Rosso, le russe. Et oui, il est passé par la voie des stands, me semble-t-il. Daniil Kvyat, il en est ressorti à l'instant avec un nouveau pneumatique. Ouais. Avec des softs, hein, apparemment. Avec des softs, donc. Là, nous sommes dans le 30e tour et voilà des pneumatiques qu'évidemment le pilote russe va essayer de faire vivre jusqu'à l'arrivée. Patrick, je vais te ménager, je le dis publiquement, non mais je t'en prie, parce que je sens bien que là, la bonne crève que tu tiens là est en train de prendre ponctuellement le dessus. Alors voilà, ménage-toi, prends du miel, on va te garder. Allez, j'en ai trouvé. D'abord, voilà, on va te garder jusqu'au bout. Et on va effectivement rappeler le classement de ce Grand Prix après 30 tours, Louis. C'est-à-dire que nous sommes à 26 tours de l'arrivée de ce Grand Prix de Malaisie. Lewis Hamilton est pour l'instant le leader de ce Grand Prix avec quasiment 13 secondes d'avance sur son premier poursuivant. Daniel Ricciardo, le pilote Red Bull, qui est juste devant son équipier Max Verstappen, 3e, à 4 secondes 2 de Daniel Ricciardo. Kimi Raikkonen est 4e. Nico Rosberg, 5e, à 25 secondes de la tête de course et à 3 secondes de Kimi Raikkonen. Sergio Perez est lui 6e, 18 secondes derrière Nico Rosberg. Jenson Button est 7e. Valtteri Bottas, 8e. Julian Palmer, le pilote Renault, est pour l'instant 9e. Il court toujours après son premier point cette saison. Carlos Sainz est 10e, Marcus Ericsson, 11e. Je vous rappelle les abandons de trois pilotes, Sébastien Vettel, Romain Grosjean et Kevin Magnussen. Évidemment, l'intérêt, la monte pneumatique, on vous l'a dit, elle est relativement similaire, à l'exception notable de Sergio Perez, le pilote mexicain de l'équipe Force India Mercedes, qui est actuellement au 6e rang. Et Rosberg, c'est important, Louis. Rosberg dans les stands maintenant. Rosberg passe par la voie des stands. Il était équipé des pneumatiques les plus durs et c'est avec un nouveau train de cette gomme-là qu'il va ressortir de la voie des stands. Tiens, ça c'est curieux. Alors c'est vraiment, on a décidé que chez Mercedes, c'est vraiment de loin ce qui fonctionnait le mieux, parce que là, Louis, à 25 tours de l'arrivée, moi j'aurais tenté autre chose. Hein, mais bon, on sait ce qu'on fait évidemment. Bah oui, les softs par exemple, c'était ce qui était le plus intuitif ou le plus évident en tout cas pour refaire son retard sur les pilotes devant, mais visiblement il semblerait, comme tu l'as dit, que ce soit les plus durs qui aient le meilleur rendement sur cette piste très chaude de Sepang. Alors Patrick, évidemment, il y a 11 tours d'écart entre la montre pneumatique de Lewis Hamilton, le leader avec la Mercedes, leader depuis le début, faut-il dire, avec évidemment l'intermède Verstappen tout à l'heure, à cause des stratégies. Et puis on monte exactement la même chose mais pour Rosberg. Ce n'est pas nécessairement le plus rapide. Oui. Ça peut buller aussi, ça peut surchauffer rapidement. Et donc ils savent qu'ils sont peut-être le plus rapide avec les pneus durs. C'est pour ça qu'ils ont, ils ont fait ce choix. Oui. Moi je ne sais pas si j'aurais pas tenté autre chose. Et une Renault dans les stands, je crois que c'est Palmer, Louis. Oui, Julian Palmer dans les stands, accompagné de Felipe Massa et d'Esteban Ocon, le Français qui était équipé de pneus durs. Il va suivre l'arrêt au stand il y a quelques instants de son équipier Pascal Wehrlein. Pour Massa, ça seront des pneus médiums avec lesquels il va ressortir. Et voilà, il sort à l'instant de la voie des stands. Felipe Massa et Esteban Ocon qui purgent ses 5 secondes de pénalité lors de son arrêt. C'est pour cela que ça prend du temps, 5 secondes de pénalité pour être allé trop vite tout à l'heure dans la voie des stands lors de son arrêt au 12e tour. Et il ressort avec des pneus durs. Et un arrêt également pour Kimi Raikkonen qui était équipé de pneus durs et qui repart avec un nouveau train de ces pneumatiques-là. Alors oui, effectivement, là c'est très très clair, hein. Sur cette piste resurfacée de Sepang, eh bien les équipes ont fait les long runs comme on dit et ont mesuré, ont pu tester la stabilité et la durabilité de ces pneumatiques. Patrick, là c'est clair, c'est vraiment la grosse. D'ailleurs, c'était la monte obligatoire préconisée par Pirelli. Hein. Oui, oui. Ouais. Absolument. Donc là, il n'y a pas de secret. Là, c'est extrêmement clair. Avec Pérez également dans les stands, Louis, maintenant. Sergio Pérez. Et qui fait ce même choix des pneumatiques les plus durs. Alors oui, là, c'est vraiment d'une clarté biblique. On peut dire, lui, il avait les pneus médiums depuis le 9e tour. Nous sommes au 32e, évidemment, maintenant. Tout le monde va viser, si possible, l'arrivée. Mais je vous rappelle quand même un élément important, c'est que Lewis Hamilton s'est arrêté au 20e tour. Ça veut dire, Patrick, que s'il va au bout avec ces pneumatiques-là, il va y avoir une perte de performance indubitablement par rapport à ses adversaires et notamment par rapport à Daniel Ricciardo à peine. Ricciardo s'est arrêté au 21e tour, mais Verstappen, oui, arrêté au 27e tour. Ça peut faire comme le week-end dernier avec la capacité qu'il a, l'avance qu'il a déjà, eh bien de pouvoir gérer l'utilisation qu'il fait de ses pneumatiques. Donc si jamais il devait rentrer et qu'il y avait une grosse dégradation, il pourrait repartir avec un train de tendre pour terminer la course. Absolument, Patrick, et on voit que Nico Rosberg est en forme également. Nico Rosberg qui vient de s'arrêter au stand pour monter un train de pneumatique dur qu'il va emmener jusqu'au bout de ce Grand Prix. Eh bien c'est lui le plus rapide dans le premier secteur, Louis. Verstappen, il se pose une question, hein, il y va. Ouais, ah oui, il envoie. Très